01 42 46 5000. Allô, bonsoir, qui est là? Bonsoir. C'est le dernier là, allô? Ouais. Ouais, comment bonsoir. Tu t'appelles? Je m'appelle Mathis. Bienvenue Mathis, quel est ton message toi? Moi je voudrais passer une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute. Tout d'abord au collège Les Équem à Bordeaux. Je voudrais passer une dédicace à Théo et Léo, mes deux meilleurs potes. À Camille, Eva, Audrey. Oui. Kimi, la petite chinoise, dédicace spéciale pour toi. Ok. Et puis à Gros Gori, il se reconnaîtra. Eh ben, salut à toi. Et je vous aime, toute l'équipe, je vous aime. Ok, franchement, vous me faites kiffer tous les soirs, je vous adore. Gros salut. Bisous, merci. Merci beaucoup, vous l'entendez. C'est Mickaël. Ah bah oui, mais enfin bon. Mickaël, tu as une petite question. Je me suis pas occupé. C'est passé comment avec le Portugal au mondial? Ah, la dernière fois que j'étais, c'était bien, joli pays comme d'hab. Non, mais le match, ça a donné quoi? Je n'ai pas regardé, je n'ai pas au courant des résultats. Eh, Mickaël, t'as vu comment il chambre le doc? Hein, sans déconner. Moi, je te soutiens, Mickaël. Moi, je suis très déçu de le Portugal a gagné. Je vois pas de quoi. Je sais pas, je même pas suivi. Je vais te le dire, il y a eu 4-0 pour l'Allemagne. Ah ouais, mais c'est normal, en bouffant des saucisses, t'as plus de patates. Ok, t'as eu le temps de la préparer la salle. Attention. Non, mais c'est con qu'ils aient perdu, parce que moi je les voyais bien en quart de finale affronter la France. Ça aurait été un beau truc. Comme si on était déjà mort là. Il reste deux matchs, tout va bien. Je le souhaite, moi je suis pour vous. Bon, bah c'est gentil qu'il arrive. Je t'en prie, je peux avoir mon maillot d'équipe de France? C'est quand même une bonne branlée. C'est une semaine que je te gratte. C'est vrai. Hier, on a gagné 3-0. Oui, c'est vrai. Mais je me rassure parce que je me dis que si l'Espagne perd encore une fois, en fait, tout le monde va se focaliser sur l'Espagne, les champions du monde qui perdent. Et nous, si on perd aussi, hop, on va partir discrètement. On prendra le même avion que les Espagnols pour rentrer à la maison. Et hop, là, on sera tranquille. Mais je suis persuadé que vous allez y arriver. J'espère. Non, mais je vais aller jouer là-bas aussi, moi. Tu m'as dit tout à l'heure. Ils vont se ramasser. J'adore le Portugal. Je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo, entre autres. Bah, il était pas en forme ce soir. Mais bon. Enfin, bon, bonne soirée à vous alors. Bisous. Allez, salut. À demain. Et puis nous, on est parti comme tous les soirs en direct jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. C'est parti. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre cou, vous avez raté ça. Je te mettrai mes doigts dans ton cul, je te les enfoncerai bien. Oh, et je te lisserai les tétons avec mon piercing à la langue. Oh là là, elle est chaude. Un chantier qui sera sans mes tétons, tu les laisseras. Allez, ça la baise. Tu as 26 centimètres. Mec, c'est plus une bite, c'est un semi-remorque. Non, franchement, c'est super gênant. C'est pas vrai. Sans blague. Bah oui, envoie une photo à Toff. Mickaël No Limit pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live sur Fun Radio. Non, on parle pas de cul. Jamais. Pas du tout dans cette émission. On parle pas que de cul, on parle aussi d'autres choses, on parle de fou. Oui. Non, on parlera pas que de ça, promis. Cependant, effectivement, j'ai des maillots de foot à vous offrir. Ce soir, on aura des chaussures de foot également et puis des ballons de foot, bien entendu. Bon, doit-on faire quelque chose pour être heureux? J'ai envie de répondre non, évidemment, puisqu'il suffit juste d'écouter tous les soirs de 23h à 2h l'émission, du lundi au jeudi, puis le dimanche également, de 20h à minuit. On était là hier, on s'est bien marré, comme vous avez pu l'entendre, de 20h à minuit. Si vous avez passé le bac aujourd'hui, ou même n'importe quel examen, mais particulièrement bac, venez nous dire comment ça s'est passé le bac philo. Ça avait l'air génial les questions. Bah oui, en plus il y avait la grève aussi hein. Et puis surtout ceux qui ont triché, puisque les questions étaient déjà sur Twitter hier soir. Voilà. Donc si vous avez envie de venir nous en parler, vous êtes les bienvenus. Comment s'est passé votre bac, comment s'est passé votre examen dans l'absolu? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous n'hésitez pas, on écoute, on vous écoutera évidemment. On est jusqu'à 2h du mat ce soir avec beaucoup de choses au programme, notamment le chéri je peux te faire cocu qui passera tout à l'heure. Et puis on aura un bon chéri je peux te faire cocu, en tout cas je l'espère. Si jamais vous avez envie de participer d'ailleurs, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000. On salue également tous ceux qui sont connectés sur le Twitter de l'émission, impérativement pour qu'on lise vos messages avec le hashtag MIKL sur Fun. Vous mettez ça en un mot. Il y a Kalash qui dit bonsoir l'équipe, salut Kalash. Il y a Damien aussi, yo Mickaël, ça va tranquille. Aujourd'hui c'était la Saint-Jean-François, il faut l'appeler. C'était la Saint-Jean-François. Ah bah oui, ça se fête, ouais. Black Giraffe aussi, salut Mickaël. Bonne soirée en vue avec vous. Ça fait presque 15 jours que je vous ai pas écouté. Je mérite un énorme coup de pelle, je te le confirme. Tiens, voilà dans ta gueule. Et puis Andreas aussi. Bonsoir les gens, toujours aussi fidèles à l'émission. Je ris tous les soirs. Faudrait que je présente l'émission à ma voisine qui est plutôt coincée. Écoute avec plaisir. Présente-lui l'émission. C'est avec grand plaisir. Sinon, il peut me donner son numéro. Moi, je l'appelle. Oui, après nous, on peut l'appeler. En parlant d'appel, évidemment, on fera les appels tout à l'heure avec Toff. Appel malveillant, bien entendu. Bien sûr, toujours à caractère pornographique. Comme d'habitude, et toujours en espérant tomber sur des gros oufs. Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Par exemple, ou celui-là aussi, hein. Fils de putain, là. Voilà, fils de putain. Va te faire enculer. Voilà. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein. Eh oui, voilà, donc tous ces amis que qu'on rencontrera peut-être à nouveau tout à l'heure. Donc si vous connaissez des gens aussi ouf que ceux-là, des ennemis ou des amis, bah vous balancez les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, c'est aussi simple que ça, voilà. Bon, donc Tof a passé une bonne journée a priori, hein. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, tant mieux, Sandro également, la journée fut bonne. Ah ouais, j'ai trop mangé. Ah bah comme d'habitude, tiens. Elle s'est bourrée à la cantine. Le encore. Contraire m'aurait étonné, et Polo toujours au taquet avec les doux, bien entendu, hein. Ouais. Toujours prêt à accueillir tous les nouveaux doux évidemment. Les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. D'ailleurs, on en a un, il y a Mathis qui est avec nous. Salut Matt. Salut Mickaël. Oh, comment ça va? Voilà, pêchez-vous. Ah, toi, t'es un doux, mais t'es un doux sur la limite. Ah bon? Bah oui, parce que j'ai l'impression que ta voix commence à muer un petit peu, non? Ouais, ça vole par un coup. Ouais, j'ai l'impression que ça part un peu en sucette, la voix. Je pense. Note, c'est pas très grave, hein, cela dit. Mais bon. Sois le bienvenu, Mathis, du coup. Tu veux devenir doux, toi, doux officiel? Ben ouais. Bon, eh ben très bien. Ben, je te passe Polo. Juste après, je poserai la question pour gagner tout le tirail de foot, là. Allez, c'est parti. Hop là. Mathis! Oui? Tu réponds plus rapidement, s'il te plaît. Tu veux devenir doux officiel? Oui. Oui. Moi qui suis le grand maître incontesté de la confrérie des doux, général en chef des armées, je peux accéder à ta demande. Mathis, mets-toi à genoux. Oui. Mais réponds, oui. Dis c'est fait ou dire oui comme un abruti, là. Oui. Bon, Mathis, oui. Insulte-toi. Oui. Je suis un bâtard, je suis un enculé de bâtard, je suis un gros bâtard. Je suis un enculé de oui. Toi, ta spécialité, c'est le bâtard. Il y en a, c'est le bâtard. PD, il est au-dessus, ouais, c'est bon. Lui, c'est le bâtard. Mathis, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Oui. Tape-toi sur la tête, Mathis, afin de te baptiser. Non, c'est pas vrai. Arrête de me prendre pour un con. Si. Au début, ça faisait bizarre, mais après, ça va, je pense. Tu crois? Je pense. Refais-le pour voir. Bon, ça suffit, ouais. Tu vas t'ouvrir le crâne. Mathis, grâce à tout ce que tu viens de faire, tu es enfin baptisé doux. Tu es doux, bravo. Et tu es voilà. Doux officiel. Et tu seras le doux oui-oui. Le doux oui-oui. Bah oui, il arrête pas de dire le oui. Le doux oui-oui. Le ouais. Doux oui-oui. D'ailleurs, tu peux changer ton nom sur ton profil Facebook, Twitter, Instagram, si ouais. Tu as. N'hésite pas, bien entendu. Et évidemment, tu as de lourdes charges sur tes épaules, puisque en tant que doux officiel, tu te devras de prévenir tous tes potes d'écouter l'émission tous les soirs. Évidemment, je compte sur toi. Ah non, mais attends, je t'en rassure, c'est déjà fait. Ah bah, tu vas refaire encore une fois pour être sûr. Eh bien, il faut continuer, il faut que tu voilà. Prêches la bonne parole. Exactement. Bon, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas, toi, oui-oui? Comme petit oui-oui, j'aimerais bien écouter Deoro. Deoro Avec quoi? Avec quoi? Five Rose. Avec quoi? Five Rose. Five Euro. Je sais pas comment ça se dit. Five what? Vas-y. Do you speak English, little doux? Five what? I need to speak English. Oui, I little to speak English. C'est de l'allemand, ça. Oui. Oh, parlez pas d'allemand aujourd'hui, hein. Bon, I little to speak English. Qu'est-ce que t'as dit, Louis, là? Ouais. Bon, t'as dit quoi? Est-ce que c'est ça que tu veux écouter? Ouais, nickel. Ah, bah voilà, bah très bien. Bon, sinon, c'est 5 hours, 5 heures, hein, le titre. 5 hours. Et ouais, 10 euros, c'est le nom. Voilà, c'est le nom. Bon, très bien. Bon, bah, pas de problème, te le mettrai également. Il y aura aussi Avicii, Let Me Down. T'aimes bien ça, Let Me Down? Moi, bon, j'adore. Ah, tant mieux. Et puis, il y aura aussi le son de Coldplay, ça, c'est moi qui adore. A Sky Full of Stars. On va se mettre bien avec Coldplay. Je vous le cale avant minuit, donc vous restez bien là. Et puis bah Mathis, bah merci d'avoir appelé en tout cas. Merci d'écouter Fun tous les soirs. Et puis bah reste avec nous. Ouais, vas-y, dis-moi. Tu connais la blague des deux Belges? La blague des deux Belges. Qu'est-ce que ça va être encore comme blague de merde? Fais attention parce que Tof est belge. Moi, je suis à moitié belge. Donc fais attention. Ouais. Je pourrais te retirer ton statut de doux. C'est vrai. Alors attention, on fait pas le malin. Je t'écoute. Allez, vas-y. En fait, c'est deux Belges qui vont au ski. Et donc ils vont voir la secrétaire et ils demandent d'avoir le même moniteur que l'an dernier. Donc après la secrétaire elle fait désolé messieurs mais nous avons énormément de moniteurs donc on peut pas retrouver le même que l'an dernier. Donc ouais. Après les deux Belges ils leur font mais si apparemment il avait deux anus. Après la secrétaire c'est quoi deux anus, vous êtes vraiment sûr? Après les Noëls, ils font oui, oui, oui. Parce que les gens à côté, ils disaient tiens, voilà le moniteur avec ses deux trous du cul. Hey, tu connais la blague des deux Français qui demandaient le même moniteur? Non, vas-y. Bah, en fait, si tu veux, il y a ces deux Français, tu vois, ils vont faire du ski, puis ils reviennent à la même station. Et en fait, ils demandent, ouais, on voudrait avoir le même moniteur de ski que l'année dernière. Alors, le mec, elle dit, bah non, on va pas, parce que tu vois, c'est-à-dire qu'on a plein de moniteurs, on a plein de gens, donc on se rend pas compte, tu vois, c'est difficile de les retrouver. Hein. Et puis, ouais, mais c'est le moniteur, il avait deux trous du cul. Alors, du coup, bah, le Français, il avait les deux Français, ils réfléchissent, et puis le mec du ski aussi, il réfléchit. Puis après, il dit, les deux Français disent, ouais, bah ouais, parce qu'en fait, il avait deux trous du cul, parce que, bah, quand on faisait du ski, bah, les mecs, ils le croisaient, ils disaient, ah bah tiens, voilà le moniteur avec le trou du cul. Elle est drôle aussi comme ça, non? Non, mais elle était drôle, elle est drôle, elle est sympa. Non, mais bon, voilà. Bon, écoute, le petit doux, là, je te retire pas ton statut de doux, mais la prochaine fois, t'as qu'à tailler, je sais pas, les Allemands. Les Allemands. Voilà, les Allemands, vous pouvez tailler les Allemands. Non, non, ouais, non, les Allemands, rien sur les Allemands, s'il voilà, te plaît. Tu dis. Pas ce soir. Ouais, si, si, ce soir, justement. Ce soir, on s'en fout, mais ce soir en particulier. Bon, salut le doux. Salut. Salut, oui, ciao à toi. Allez, reste avec nous. Bon, et la question pour le football maintenant, tiens, c'est parti. Il y a les maillots de foot à gagner. J'ai pas pris le maillot du Portugal ce soir. Ah bah d'accord. Mais j'ai pris celui de la Belgique pour demain, le match Belgique-Algérie qu'on suivra aussi. Enfin, pas en direct puisque c'est à 18h, mais je serai derrière. Sauf donc, soutien l'Algérie, comme il y a un moitié algérien. Évidemment. Bah oui, oh là. Bon, match de foot, ballon de... Oh merde, je vais y arriver. Maillot de foot, donc, putain, c'est pas comme si je le disais 4 fois par soir. Maillot de foot à gagner de l'équipe de votre choix qui participe à la Coupe du Monde. Il y a des ballons de foot officiels également et bien sûr aussi les chaussures Puma, Adidas ou alors les Nike. Alors, c'est à gagner avec Pro Direct Soccer. On vous offre ça pendant tout le mondial. Et comme je l'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai mis la photo sur le Facebook de l'émission. Comme je l'ai dit hier, une fille, on peut gagner le maillot de foot pour soi si on est un mec pour jouer, etc. Mais on peut également le gagner pour une fille parce que un maillot de foot sur une fille, ça peut être hyper sexe. Ah ben, je suis allé sur le Parisien tout à l'heure. Ils ont fait une rubrique spéciale supportrice. Ah, qu'est-ce que je disais? Ah, il y a du lourd. Voilà. Ah bah bon, oui. Et donc du coup, on vous offre le maillot de votre équipe au choix, ou alors le ballon de foot, ou alors les chaussures. C'est vous qui choisirez tout simplement. Si vous avez la réponse à la question de ce soir, la Belgique et la France se sont évidemment déjà plusieurs fois affrontées au football, mais c'était quand la dernière fois? Pour votre info, c'était à Bruxelles, c'était au stade Roi Baudouin. Est-ce que c'était en 2001, en 2005, en 2009 ou en 2013? Et pour vous donner un indice, le score était un match nul 0-0. Ah. Donc c'était en 2001, 2005, 2009 ou 2013, la dernière fois que la Belgique et la France se sont affrontées au foot. C'est un match amical, je crois. Oui, voilà, bon, si vous avez la bonne réponse, et ben vous envoyez ça tout simplement. Maintenant, vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et puis bon, tirage au sort tout à l'heure avant minuit 30 pour vous offrir soit le maillot de foot au choix, soit les chaussures de foot au choix également parmi les trois Adidas, Puma ou Nike, soit le ballon de foot officiel FIFA 14. Voilà, bonne chance tout le monde. Vous balancez votre réponse. La Belgique et la France se sont affrontées au foot, mais c'était quand la dernière fois? 2001, 2005, 2009 ou 2013? Et Mickaël et la réponse. Vous envoyez ça au 64-900 et je vous souhaite bonne chance. On aura Sarah de Lille également dans quelques minutes. Salut Sarah de Lille. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Sarah de Lille, comment elle va? Très bien. Bon, t'as passé le bac aujourd'hui? Oui. Et? Bah, ça a été, on verra. Non mais de toute façon, en philo, tu peux jamais savoir. Oh, ça a été super, voilà. Putain, je me suis pris un 2. Oh, je crois que j'ai raté, putain, 18. Ouais. Tu vois, tu peux jamais savoir. Ça, de quoi? Ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'en filon, c'est pas vraiment. Bah, c'est ça. Il n'y a pas de corrigé de type, en fait, c'est ça. Exactement, c'est en fonction de la bonne humeur du prof. C'est ouais, ça. Voilà, grosso modo, c'est ça. Bon, reste avec nous, Sarah. Reste avec nous, Sarah. On va revenir avec toi et avec ta question d'aujourd'hui, là, en bac. Aujourd'hui, bac philo. Et puis, on va revenir avec, comme promis, le son de Gino. Ça va débarquer dans quelques instants sur Fun Radio. Restez là, les appels également. Les appels démasqués, pas du tout. Moi, je suis malveillant, par contre. Hein. Les appels malveillants qui vont débarquer dans quelques minutes sur Fun. Vous restez là, c'est Mickaël No Limite. On est en direct jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde si vous venez de débarquer sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God! Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec le doux qui n'est pas sur le Twitter qui dit salut Mickaël, comment ça va la famille? Bon, on va plutôt bien et toi? Et alors, un message aussi. Ce qu'il faut faire pour être heureux, c'est d'écouter Mickaël, je te kiffe trop, c'est Clara. Merci, gros bisous Clara. Et Jérémy aussi, bonsoir Mickaël, vous êtes géniaux. Bisous également à Violaine, ma lapine adorée. Eh ben, on embrasse ta lapine adorée, pas de problème. Bon, est-ce que vous avez entendu parler également du Coca Life? C'est un nouveau Coca avec de la stevia. Ça remplace le comment on appelle ça, l'espèce de l'aspartame qui est apparemment très mauvais. Et donc c'est une plante qui contient du sucre naturel pour réduire le sucre dans les canettes. Donc venez nous dire si vous l'avez déjà goûté. Et puis sinon, quelles sont vos boissons préférées? Voilà, c'est quoi votre boisson préférée? D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la pub Orangina Miss O également avec la canette qui coupe la télé. Ouais. Ouais, ils sont dans un bar. En fait, c'est pour la dictature du foot. Ils ont fait un test dans un bar. Et donc ils sont tous comme des oufs sur quatre écrans de télé. Et ils avaient installé au préalable sur la canette un système électronique qui fait que quand tu secoues la canette d'Orangina, paf, la télé s'éteint. Enfin, les télés s'éteignent. Et donc du coup, tous les supporters sont là énervés dans le bar. Et voilà, c'est assez rigolo. Mais donc, ce que je comprends pas dans ce truc, c'est que en fait, ils prônent, c'est la dictature du foot, machin. Il y a genre, je sais pas, seulement 1 milliard ou 2 milliards de gens qui ont envie de regarder. Les autres, ils ont pas envie. Mais il y a une seule meuf dans ce bar qui veut pas regarder le foot. C'est ça, il coupe le télé, ouais. Bon, donc voilà, dites-nous quelle est votre boisson préférée. Tiens, on va en parler ce soir. Donnez-nous vos messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. Ou alors par SMS, envoyez Mickaël au 64-900. Allez hop, on attend tous vos messages, on lit tout ça en direct. Et si vous voulez passer à l'antenne, n'oubliez pas de laisser votre numéro si vous envoyez un SMS. Hein, sinon, on peut pas vous rappeler. Ce qui serait dommage. Il est 23h17 sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous venez de débarquer pour la première fois. Les appels malveillants de Toff, ils arrivent dans moins d'un quart d'heure. Le temps d'écouter Gilo maintenant, c'est First Love sur Fun. See, I know a little bit something good. Le son de Gilo, c'était First Love sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et on est toujours en direct, évidemment, avec plein de messages qui arrivent. Alors, vous avez été hyper nombreux hier à jouer pour gagner vos maillots de foot, ou alors vos chaussures de foot, ou même les ballons de foot. Tout, évidemment, tout est officiel. Hein. Évidemment, c'est pas des copies ou quoi. Non, c'est les vrais maillots, les vrais ballons et les vraies chaussures avec lesquelles ils jouent cette année, donc au Mondial 2014. Donc, vous avez été hyper nombreux. Hier, normal, on était là de 20h à minuit. Donc si vous voulez tenter votre chance ce soir, eh ben, vous avez évidemment plus de chance, puisque on est là plus tard, 23h, 2h, on donnera la réponse à minuit 30. Donc effectivement, vous avez plus de chance de repartir avec l'un de ces cadeaux. Mais pour gagner, il faut quoi qu'il arrive évidemment s'inscrire et répondre à la question. La Belgique et la France se sont affrontées au foot, mais c'était quand la dernière fois? En 2001, en 2005, en 2009 ou en 2013? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, je peux vous donner un indice, c'était au mois d'août. Voilà, et ça a terminé sur un 0-0 et c'était un match amical. Voilà. Hop, on dit pas plus pour l'instant en tout cas. Si je vois que vous galérez, a priori ça devrait aller, eh ben je vous en donnerai d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Donc vous mettez M-I-K-L espace 2001, 2005, 2009 ou 2013, hein, la fonction de la réponse que vous choisissez. Et puis vous laissez votre numéro, vous envoyez le tout au 64-900 par SMS ou alors au 63-22, ça c'est depuis la Belgique. Comme ça, tout le monde peut jouer, même si vous êtes dans votre voiture, même si vous êtes sous le lit, même si vous êtes dans le lit, même si vous êtes en train de faire l'amour. Vous avez peut-être plus facilement moyen d'avoir votre téléphone plutôt qu'un ordinateur ou votre smartphone. Donc au moins comme ça, c'est clair pour tout le monde. Allez-y, bonne chance donc. Combien la Belgique et la France, enfin, quand est-ce qu'elles se sont rencontrées pour la dernière fois? C'était en Belgique en août, mais quelle année? 2001, 2005, 2009, 2013. Je vous souhaite donc bonne chance. J'avais promis de récupérer Sarah qui est de retour. T'es là, Sarah? Oui, je suis là. Est-ce que tu connais la réponse, toi? Ne la donne pas, hein, mais est-ce que tu connais la réponse à la question? La Belgique et la France, elles se sont affrontées au foot quand la dernière fois? Je sais pas du tout. Pas du tout? 2001, 2005, non. 2009, 2013, tu dirais quoi au hasard? Au hasard, 2001. Bon, eh ben, le hasard fait mal les choses. Je donne un indice, ce n'est pas cette réponse-là. Bon, et eh ben voilà, Sarah, t'as aidé tout le monde. Tiens, c'est au moins ça a niqué une des propositions. Il ne reste plus que trois maintenant. Ouais. Bon, et c'est quoi ta... j'avais aussi posé une question juste avant de Gilo. C'est quoi ta boisson préférée? Le Oasis pomme cassis framboise. Ouais. Putain, on est tombé sur une meuf qui aime le truc complètement barré. Tu sais que personne ne boit. Ouais. Non, enfin quand je dis personne, c'est... Non, mais c'est rare, tu vois. Ouais, c'est bon. Mais c'est bien, ouais, non, oui, bah, c'est bon. Après, je connais pas. C'est très chimique, hein, apparemment. Oui, bah, comme tout en même temps. Tu prends n'importe quoi, et chimique, non, à part la flotte. N'est pas chimique. Ouais, bah, c'est tout, hein. Tu prends n'importe quoi d'autre, c'est hyper chimique. Mais bon. Si, c'est pas censé être de l'eau de source. Ouais, mais bon, tu sais, avec du coca, t'as de l'eau aussi dedans, hein, c'est juste que c'est mélangé avec tout, donc après, c'est ça le problème. Bon, donc toi, c'est Oasis. Dites-nous les autres, c'est quoi votre boisson préférée, Tof, c'est quoi toi, la tienne? Moi, je bois beaucoup, enfin, je buvais beaucoup de Red Bull, mais je me suis bien calmé en ce moment. Mais c'est parce qu'il a plus les moyens. Ouais. C'est ça, j'ai du ici à la porte, je peux pas tout faire. C'est ça. Non, l'Ice Tea, beaucoup l'Ice Tea. Ice Tea, Polo, c'est quoi? Oh, ou jus de fruits, rarement, mais je bois plus de coca, ni j'ai arrêté, j'ai banni tout ça, j'étais trop gros. Mais d'accord, ok. En ce moment, je bois beaucoup de jus de pomme et de jus de pomme, de jus d'ananas et de jus de pamplemousse. Ok, moi Coca Zéro, 100 euros, c'est quoi toi ta boisson préférée, c'est laquelle? Moi j'aime bien l'eau et après tout ce qui est jus d'orange. D'accord, ok, très bien. Bon, moi c'est l'eau aussi, après le Coca Zéro, mais l'eau j'aime que la Contrex. Alors je voudrais juste passer un message à Lucas le sous-chef. Non, je ne bois pas de la Contrex parce que je suis au régime, je bois de la Contrex parce que j'aime bien le goût, voilà. Parce qu'à chaque fois que j'ai la bouteille, c'est qui marquait mon partenaire minceur, tout le bordel, chaque fois que quelqu'un me voit passer avec ma bouteille, ouais. C'est ah bah t'es au régime! Mais oui, c'est non, vrai qu'on pense tout de suite à ça, ouais. Non, bah non, c'est juste que j'aime bien le goût, en j'aime fait, bien simplement. J'aime bien boire de la pisse de temps en temps, un petit bol. Okay, avec Tof, on se fait un petit drink comme ça, en apéro. Il y a Aurore de pisse. Il y a Aurore qui dit ma boisson du moment, c'est Manzana Coca-Cola, c'est trop bon. Oh là là. Swag in the face qui dit moi, c'est le coca plus limonade avec un peu d'orangina, c'est excellent. Et Guillaume qui dit hello, Mickaël, est-ce qu'on peut participer depuis le Canada pour les maillots? Si oui, je mets quel numéro pour envoyer la bonne réponse? Guillaume, appelle-nous alors du coup. Tu fais le 00331 42 48 5000 si t'es pas en France ni en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Moi c'est cognac Schweppes agrumes. Oh là là. Oh, c'est bien violent ça. Et la fratrie Elba qui dit Mickaël, moi c'était le vrai coca mais je pouvais plus, sinon je pouvais mourir maintenant, c'est de l'eau ou du coca zéro. Ouais, faites gaffe parce que c'est hyper c'est rempli de sucre, donc c'est effectivement pas très bon. Bon, dites-nous quelle est votre boisson préférée, je vais vous mettre le post sur le Facebook et le Twitter pour que vous puissiez réagir. Et par SMS également, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Bon alors Sarah, alors, épreuve philo toi aujourd'hui, c'est ça? Oui, voilà. Bon, alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Ben en fait, j'ai vu le sujet. T'as vu le sujet, c'était quoi le sujet? Ouais. Ben il y avait trois sujets. Au début, il y avait un sujet sur l'échange. Après, il y avait un sujet sur la vérité. Après, attends, est-ce que tu peux parler peut-être sans kit malibre ou sans le haut-parleur parce qu'on comprend hyper mal? Ouais, d'accord. Vas-y, enlève-le. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. On n'entend pas la différence. T'es sûr que tu te fous pas de moi là? Non, je me fous pas de toi. Ah bon, t'as c'est marrant parce qu'on a rien entendu comme différence. Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. Il y avait quoi comme sujet? Non, ça me fout pas. Il y avait un sujet sur l'échange. Après, il y avait un sujet sur la vérité. Ouais. Après, il y avait un texte sur le bonheur. D'accord. Et après, j'ai pris la vérité. La vérité. Et qu'est-ce que t'as dit sur la vérité? Est-ce que t'as parlé de Tof? Ouais, parce que là, il y a des trucs à dire. Non. Oh, c'est dommage. Désolée. Oh, c'est dommage. Et t'as dit quoi, du coup, sur la vérité? Bah, j'ai parlé de l'expérience scientifique d'abord. Ouais. Après, l'expérience... L'expérience quoi? Putain, c'est hyper compliqué de te comprendre. C'est hyper compliqué. Tu dis? L'expérience vécue, l'expérience humaine, enfin ce qu'on vivra de tous les jours. Ah d'accord, l'expérience, le vécu, d'accord, ok, très bien. Et tu crois que t'as fait combien là? Tu crois que t'auras combien? Entre 8 et 10. Sur 20? Ah oui, effectivement, c'est pas terrible. Hein. C'est la philo. Ouais, d'accord. Il y a un mec là dernièrement qui a utilisé Tof dans un devoir. Oui, c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, je l'ai toujours en Algérie. Ouais. C'est un Algérien, un auditeur algérien qui avait utilisé Tof dans le devoir. Et il s'est fait virer, je crois, du cours. Non, le prof l'a mal vécu. Ouais, le prof l'a très mal vécu. Ouais. Je sais pas pourquoi. Étonnant, effectivement. Bah, appelez-nous si vous avez aussi passé le bac aujourd'hui, là, les bacs ou n'importe quelle autre épreuve, évidemment, un autre examen. Comment ça s'est passé? Dites-nous, faites les pronostics sur vos points. Et puis on vous rappellera quand on aura les résultats pour voir si t'as bien pronostiqué, Sarah. D'accord. D'accord. Bon, je te fais des gros bisous, Sarah. Tu reviens quand tu veux sur Fun. D'accord. Salut. Ouais. Ciao. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Il y a Cédric avec nous maintenant de Paris. Salut, Cédric. Salut, Mickaël. Ça va ou quoi, toute l'équipe? Ça va bien et toi? Salut, gros. Ça va, tranquille. Bon, très bien. Tiens, il y a des messages. Il y a Andreas qui dit moi, c'est jus de pamplemousse, orange et coca. Sylvain qui dit moi, c'est Coca-Cola, jus d'orange, sirop de grenadine. Ah oui, ça, j'aime bien aussi. Clem qui dit moi, c'est Manzana Coca ou Passoa Oasis. Asia Rose sur le Twitter. Moi, c'est l'Arizona pour la boisson préférée. D'accord, ok. Alors, attendez, il y a quoi d'autre aussi comme message qui sont arrivés? Je rappelle que vous devez mettre le hashtag Mickaël sur Fun pour qu'on voit vos messages en direct, hein, sur le Twitter de l'émission. évidemment. Et idem également, vous envoyez tous vos messages avec avec le SMS, c'est au 64 900, débutez le message par M-I-K-L. Bon, alors du coup, toi, c'est quoi c'est de ta boisson préférée? Le Coca chéri. Coca. Ah ouais, c'est le Coca cerise. Ouais, le Coca cerise. Ah, j'aime pas trop, moi. J'avais essayé une fois, j'ai tout donné à Polo. Ouais, non, c'est ma petite drogue, on va dire. Ah ouais, moi j'avais essayé, franchement, j'ai acheté un jour. Mm. C'était le Coca Light. Coca Light chéri. Non, le Coca Light chéri, Burk. Ah ouais, c'est horrible. Ouais, ils ont sorti le Coca Zero aussi chéri, mais super cerise. Ah oui, non, mais ouais, après, enfin, je sais pas, parfois ça va trop loin, mais bon, il y a Mister Steven qui dit moi Coca chérie, Oasis Tropical, Arnaud du 13 qui dit ma boisson préférée c'est le Ice Tea, et alors Thibaut qui dit moi ma boisson c'est Rum, Coca, Manzana, Armagnac, testé en plein. Oh là là. quelle violence. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Toff? Ben rien, il y a un message pour toi. Pourquoi tu veux pas le lire celui-là? Celui de Lucas. C'est drôle ça, pouf. Oui, con, c'est super drôle. Eh ben, je le boycotte. Je peux le lire, Mike. Je le boycotte. Je peux le lire. Tu fais ce que tu veux. Nous sommes en fin de saison, comme ça, tu sais ce qui risque de t'attendre pour l'année prochaine éventuellement. C'est voilà. Quatre c'est portugais. Non, je trouve ça drôle. C'est nul. Quatre portugais qui rentrent dans un bar allemand. Ils commandent 4 Coca Light. Le serveur leur demande: j'ai plus de light. Je vous mets 4-0. Ça va, vous avez rigolé, c'est bon, c'est content. T'inquiète, Lucas, je te soutiens. Je vais chercher mon chèque à la compta. Cédric. Ouais, je te soutiens, t'inquiète pas. Putain, quelle bande de cons alors. Ça va. Mais oui, mais bien sûr. Bravo, Lucas. N'importe quoi. C'est comme un auditeur à la Hugo qui m'envoie un mail qui dit: ouais machin, vive l'Allemagne, tiens bah voilà, je te défonce comme tu mets à chaque fois, pour toutes les fois où tu mets Black M. Ouais, mais là tu m'as défoncé gratuitement alors que Black M, je ne choisis pas de le mettre. Les auditeurs le demandent, j'y peux rien, bah Hugo. Ouais. Donc c'est gratuit ce que t'as fait là, c'est pas gentil, c'est même méchant. Tu disais, Céd? Je voulais réagir juste par rapport au Coca. Faites gaffe, c'est super dangereux parce que ouais. Ma belle-sœur, elle a pas arrêté, c'était sa drogue. Donc matin, midi, soir, elle buvait du Coca et au final, elle s'est retrouvée à l'hôpital, plein de trous dans l'estomac. C'est clair. Voilà. Donc bah déjà, à partir du moment où tu réfléchis, tu te dis t'as une pièce rouillée, tu la fous dans le Coca et elle dérouille. Ouais, tu te dis clair. Putain, c'est quoi ce truc? Mais il y a pire. Il y a le Russe là qui fait des tests tout le temps sur Internet. Je sais plus comment il s'appelle. T'as vu, il a fait bouillir 1,5 litre de Coca. T'as vu ce que ça fait? Ça fait une espèce de pâte comme du goudron. Dégueulasse. Ah oui, mais c'est comme le... Comment on appelle ça, l'alcool là, que tu dois pas mélanger avec le Coca? Ah, le Belize. Le Belize. Tu prends du Belize et tu mets ça avec du Coca, mec, c'est scandaleux. Hein. Ça fait un truc bizarre. Il y a eu l'expérience aussi avec du lait dedans, ça fait remonter toutes les merdes du Coca. Et ouais, exact. Donc maintenant, voilà, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec 3 ou 4 trous dans l'estomac, ce qui fait que maintenant, elle a arrêté de boire tout ça. Et ah bah final, c'est mieux, ouais. Ça aurait été mieux avant, ouais. Au final, elle est à l'Oasis Tropical, donc... Bon, vous verrez que t'as le queue de la flotte, hein, Ouais. Voilà, au moins t'es tranquille, clair. Au moins t'es tranquille. Mais bon, ouais, de temps en temps tu te fais plaisir, mais il faut essayer d'éviter, ouais, c'est clair. Ouais, bah merci Céd en tout cas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Salut. Il y a moyen d'avoir un petit message de bienvenue. Tu veux un message de bienvenue? Ouais, ça fait longtemps que je vous écoute. Attends, je vais t'en mettre un, le message de bienvenue là. Tu demandes, bah tu vas l'avoir. Fils de putain là. Voilà, je connais même pas ta mère, donc ça n'a rien à voir avec elle. Je vais même t'en mettre un autre, tiens. Mais va te faire enculer. Voilà, comme ça au moins t'as eu la totale. Écoute, avec plaisir, moi si je peux rendre service. Bien sûr. De foot, non, il faut répondre à la question, Céd. C'est déjà répondu. Ah, t'as répondu. Bah, alors peut-être qu'on va te rappeler tout à l'heure. Alors on va voir. Tirage au sort tout à l'heure. Bon, très bien. Eh bah, écoute, alors, je te confirme pas, mais t'as mis quelle réponse? Attends, je répète pour tout le monde. Donc, pour gagner les maillots de foot du mondial 2014, avec la question, la Belgique et la France se sont affrontés au foot, mais c'était quand la dernière fois? En 2001, 2005, 2009 ou 2013? On file les maillots, les ballons de foot ou alors les chaussures de foot. Avec Pro Direct Soccer pendant tout le mondial. T'as mis quelle réponse toi, Céd? Je veux pas dire, mais la bonne réponse est... Non, t'as mis laquelle? Voilà, c'est tout. Après, j'ai mis 2013. T'as mis 2013. Bon, on verra. De toute façon, dans une heure, on tire au sort un d'entre vous qui aura mis la bonne réponse. Et puis, si c'est 2013, peut-être que ce sera toi. Voilà, tout j'espère. Simplement, Céd. Et peut-être à tout à l'heure. Alors, bouge pas de là, reste au standard, on va prendre tes coordonnées. Salut, Céd. Ciao, allez, à bientôt. Et puis restez là aussi, puisque dans quelques minutes, on va se faire les appels malveillants. Ah. Et attention, on est tombé sur du lourd, du très très lourd. Oh là là. Alors, je vais vous le mettre sur le Facebook, hein, c'est la photo du string latéral. Le quoi? Alors, c'est, alors, pour ceux qui ne peuvent pas aller voir, c'est un string pour homme qui tient par un seul côté. Et donc, en voyant ça, je me suis quand même demandé qui peut bien mettre ça. Donc, venez nous donner vos avis, je vais vous le mettre sur le Facebook et le Twitter dans quelques minutes. Tapez MIKL officiel pour nous rejoindre. Et puis, bah, pendant que Tov va passer quelques appels malveillants, bah, pour savoir ce que ses amis aiment porter, quoi. Bah oui. Voilà. Et bah, pendant ce temps-là, on va se mettre un petit peu de son. Allons-y. Bah, voilà, on va se mettre. Tiens, attends, je regarde. Bah, Coldplay, ça me paraît pas mal, tiens. Hop là. Coldplay maintenant, A Sky Full of Stars sur Fun Radio. C'est MIKL No Limit, il est 23h33. On est en direct, on est tranquille, il y a plein de messages qui arrivent. Quelle est votre boisson préférée? Bah, continuez à nous envoyer vos messages, tiens, avec le hashtag MIKL sur Fun sur le Twitter et au 64900 en débutant le message par MIKL. Le son de Coldplay sur Fun, il est excellent celui-là, produit par Avicii évidemment, A Sky Full of Stars sur Fun Radio, les 23h37. 23h, 2h. MIKL No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et je vous demande depuis tout à l'heure quelle est votre boisson préférée, tiens, sur le Twitter avec le hashtag MIKL sur Fun, sur Facebook, vous pouvez envoyer vos messages avec, vous tapez MIKL officiel pour nous rejoindre sur le Facebook, on est plus de 447 000 depuis un an, donc c'est plutôt cool, un petit peu moins d'un an même. Et puis vous pouvez aussi envoyer tous vos messages, laissez bien votre prénom du coup, hein, votre prénom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse éventuellement vous rappeler sur le SMS. Vous tapez MIKL espace votre message, vous envoyez ça au 64 900 ou au 6322. Alors je vous ai demandé, donc depuis la Belgique, 6322. Il y a Mélanie qui dit mort de rire, c'est quoi ce truc? Ah oui, par rapport au string, alors je vous ai mis le string latéral, alors une violence quand même, allez voir, hein. Il faut quand même être complètement ouf, faut qu'on t'en commande un, Tof. Écoutez avec plaisir. Mais oui, attends, c'est important, je vais aller voir avec Lucas le sous-chef demain si Fun peut payer le string latéral. Je viendrai à toutes ces réunions habillé comme ça. Eh ben écoute, c'est parfait. String latéral, allez voir. Et puis dites-nous si vous comptez mettre ça à la plage cet été. Il y a la photo sur le Facebook de l'émission. Le Facebook et le Twitter, tapez MIKL officiel dans les deux cas. C'est juste. Non mais c'est scandaleux quand même. Comment est-ce qu'on peut porter ça? En gros, si vous voulez, c'est un string donc qui met toutes tes couilles et la bite donc couvert dans un petit paquet. Voilà. Et ça part jusque de l'autre côté au milieu de la fesse. Et je sais pas comment s'attacher derrière. Hein. Et donc en fait, d'un côté vous êtes sans rien, il n'y a pas de string, il n'y a pas de tissu, il n'y a que dalle. Et de l'autre côté du corps, bah, vous avez le ça fait une espèce de bandeau, de demi-cercle quoi. Ça va des couilles, enfin de la bite jusqu'à l'arrêt des fesses. Donc voilà, c'est assez classe. Horrible. Jamila qui dit autant de rien mettre. Oui, je suis d'accord avec toi, surtout que c'est quand même bien laid. Hein. Encore si tu mets rien, si t'es bien gaulé, ça passe. Mais avec ça, même si t'es bien gaulé, tu passes pour un con. Hein. Et puis surtout, il faut s'épiler le buisson quoi, parce que sinon ça va être horrible. Et surtout, je pense que ce sont les personnes de la branche molle de l'homme qui vont mettre ça. Bon, pas sûr, regarde toi, il va les mettre. Ouais, mais moi c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah du coup, on va appeler des amis pour voir un peu s'ils seraient d'accord de mettre ce magnifique string. Comment ça s'appelle encore? Ce string latéral. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, on fait le premier maintenant. On aura Vincent juste après. Et puis on aura aussi Dino l'embrouille. Dino l'embrouille de Déglingo. Ouh, ça s'annonce du lourd. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements, monsieur. Oh là là, écoutez, je suis fatigué là ce soir, s'il vous plaît. Oui, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Oui, mais moi je m'en fous de votre question. Ah bah non, monsieur, c'est pas gentil ça. Ouais. Bah oui, enfin moi je vous appelle gentiment, je vous pose une question, c'est pas oui, gentil. Oui, bah c'est pas votre problème. Bah non, c'est pas un problème, monsieur, c'est juste pour savoir. Non, mais je vais pas vous le dire. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Oh, dis-moi, tu... Oui. Ah, c'est dommage, il a juste énervé, tiens. Oui, on va le rappeler. Il allait dire un truc et... C'est ça, bon, autant le rappelle. Je crois qu'on est en Corse avec le... Oh, dis-moi. Ou en tout. Oui, allô, je m'excuse, monsieur, vous allez y répondre et ça a coupé. Oui, mais c'est moi qui ai coupé. Bah, pourquoi vous avez coupé, monsieur? Ça se fait pas. Mais parce que tu me prends la tête, ok? Mais pas du tout, monsieur, je vous appelle pour... Oh, ouais, bah tu m'appelles plus. Bah oui, mais répondez à ma question, monsieur. J'en ai rien à foutre. Mais non, monsieur, c'est pas gentil, allô? Oh, putain, bon, rappel encore une fois, et hop, là. Voilà, 23h40. Moi, tête de nœud, ça suffit maintenant de téléphoner? Bah oui, mais répondez à ma question, monsieur. Mais je vais pas répondre à votre question, que ça commence à bien faire. Bah oui, mais pourquoi vous énervez, monsieur? Parce que j'ai pas à te parler, c'est tout, tu rappelles pas ici. Bah oui, mais je vous appelle pour vous poser une question, vous répondez pas, je suis pas obligé de vous rappeler. Et dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Il y a un connard qui téléphone et qui parle de sous-vêtements et je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut ? Non, mais je vais essayer de voir son numéro et puis attends. Mais moi, je veux juste savoir ce que vous portez comme sous-vêtements, monsieur, c'est tout. Mais j'ai pas à vous dire ça, ok ? Mais si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. C'est logique. C'est un enfoiré. Mais non, monsieur, je suis pas un enfoiré, je veux juste avoir la réponse. Mais non, c'est secret, on peut pas avoir son numéro. Mais si vous voulez, je vous le donne, mon numéro, monsieur, y'a pas de problème. Ouais, voilà, je vais prendre votre nom, votre numéro. Alors moi, je m'appelle Toff. Ouais. Et mon numéro, c'est le 01 42 ouais. 48 50 00. Mais vous avez dû vous tromper de personne, à mon avis. Hein. Ah non, pas du tout, mais je sais bien, avoue, que je voulais poser la question. Hein. Ça doit être un fou, à mon avis. Il demande personne. Bon, envoie le balader, hein. Donne-moi un peu ça, tu vas voir. Oh là, il y a la grand-mère derrière qui s'énerve, là. Attends, on va le rappeler encore une fois. Ça doit être un fou. Oui, ça doit être un fou. Ben là, pour le coup, elle avait bien misé, quand même. Bon, allez, on rappelle. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui ? Oui, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais et que voulez-vous, monsieur ? Ben, je voulais savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements, madame. Mais écoutez, monsieur, moi je vous emmerde. Ah bah non, madame, enfin, pas de sang entre nous. Écoutez, monsieur, je vous emmerde. Ah je ne vais pas vous dire ce que j'ai... Dites-moi, vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez ? Bah savoir ce que vous portez comme sous-vêtement, c'est tout. Enfin, ce que vous aimez porter comme sous-vêtement. Et vous, qu'est-ce que vous portez ? Bah moi, je suis plutôt boxeur. Ah, vous, boxeur ? Ouais. Hein ? Ouais. Eh ben, allez vous faire voir ailleurs. Mais non, madame. Monsieur, ne m'appelez plus. Ben oui, mais vous répondez pas à ma question, madame. Mais je n'ai pas à vous répondre, vous m'emmerdez. Oh non, madame, pas de ça entre nous. Allez vous faire voir, monsieur. Oh non. Écoutez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Mais je ne fais que ça. Je vais porter plainte contre vous et je vais chercher votre numéro. Mais... Ne vous inquiétez pas. Mais je vais le donner à votre mari, madame. Qui vous a donné mon numéro, monsieur ? Un type très sympa, en fait, l'annuaire. Ah oui ? Eh bien écoutez, monsieur, ne m'appelez plus. Bah oui, hein? Mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Mais moi, je n'ai pas à répondre à votre question. Bah si, c'est pour ça que je vous appelais. Je vais déposer plainte. Je n'ai pas à répondre à votre question. D'accord, alors... Allez vous faire voir. Non, madame, non. Oh, quel connard. Bon, je tiens à dire qu'on a perdu le défi. C'est vrai que je n'avais pas mis l'équipe au courant, mais il y avait Siam sur le Twitter là qui m'a envoyé un message privé cet après-midi, qui est de la gendarmerie, de la police ou de la BAC, je sais plus, à Marseille, et qui se dit ouais, ce soir je vous mets au défi que personne ne cite porter plainte ou flic. Ah oui. C'est perdu. Hein, voilà, on l'a pas tenu plus de 40 minutes. Hein, donc bon bah désolé, on essaiera de faire mieux tout à l'heure. Et en parlant de tout à l'heure, apparemment le mail qu'on a reçu, c'est un numéro qu'on devra appeler d'ici 3 quarts d'heure. Et apparemment, d'après le mail, c'est du lourd. Ah, c'est, il paraît. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans le mail. On me l'a vendu comme ça. On me l'a vendu en disant, vous allez voir, vous allez pas être déçus. Ah. Bon, eh ben, écoute, nous sommes impatients. On l'appellera dans 3 quarts d'heure. On l'appellera il ou elle. Bah, je sais pas qui ça va être du coup. Mais on va l'appeler pour lui demander, bah, en l'occurrence, si ils sont fans également du string latéral. Je vous ai mis la photo sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Il est juste scandaleux. Hein. Vincent, t'es avec nous de Chambéry. Vincent, t'es là? Oui, je suis là. Comment ça va? Eh ben, pas trop mal. Enlève le string sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as mis une chaussette sur le téléphone pour qu'on ne connaisse pas ta voix? Non, du tout. Ah, du là, tout. Ça va mieux, T'as pas internet, là, dis-moi? Ah, non, du tout. Ah, merde. Je suis dans la cabine de mon camion. Ah, d'accord, ok. Ah, dommage. Enfin, pas que tu sois chauffeur routier, hein, mais que tu puisses pas voir. Parce que je t'aurais demandé quel était ton avis sur ce magnifique string latéral qui va magnifiquement bien à tout le monde, je pense. Hein, extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on l'a pas encore, hein, mais allez voir sur le Facebook de l'émission, tapez MIKL officiel pour aller le voir. Et puis sur le Twitter également, bah, ajoutez-moi également sur Twitter. Hein, si vous me faites un follow, je vous followerai également. Vous tapez aussi MIKL _, c'est le petit tir en bas, officiel. Bon, de quoi on parle avec toi, Vincent, dans quelques minutes? Eh ben moi j'ai eu un gros problème. C'est jeudi soir, j'ai eu une envie de sexe frénétique et, ouais. Et j'ai été voir deux filles qui faisaient leur travail. Enfin, des quoi, ouais, voilà, c'est ça, des prostituées, des filles de joie, tu appelles ça comme voilà. Tu veux. Et c'est qui faisaient leur travail merveilleusement bien, mais malheureusement c'est que une trop cher. Une ne m'a pas suffi, c'est que j'en ai eu besoin d'une deuxième. Ah ouais, toi tu es taquet quoi. Ah t'as la dalle toi hein. Ah ben oui. J'étais au taquet, puis la première n'a pas suffi, puis il fallait qu'elle retourne vaquer à ses occupations. Mais attends, mais c'est exceptionnel ou t'es toujours chaud bouillant comme ça là? Non, je suis toujours comme ça. Ah, t'es toujours comme ça? Ah, d'accord, ok. Bon, attends, mais reste avec nous, on va en parler, Vincent, là, reste avec nous. Si vous êtes, vous aussi, accro au sexe, comment ça se passe, comment vous le vivez, qu'est-ce que vous faites? Bah, surtout si vous êtes, si vous avez la chance d'être tombé sur quelqu'un qui est, elle aussi, accro au sexe, du coup, ça va bien. Et puis, bah, sinon, comment ça se passe? Pareil pour les filles, hein, si les filles accro au sexe et les mecs ne le sont pas forcément, et bah, appelez-nous 01 42 48 5000, vous pouvez balancer vos messages également avec M-I-K-L, suivi de votre message au 64 900, et bah, du coup, vous pouvez faire pareil si vous voulez repartir avec le maillot de foot au choix de la Coupe du Mondial 2014. C'est offert par Pro Direct Soccer. Donc si vous voulez repartir avec le maillot, le ballon ou alors avec les chaussures de foot, tout est officiel bien entendu. Répondez à cette question. La Belgique et la France se sont affrontées au foot, mais c'était quand la dernière fois? En 2001, 2005, 2009 ou 2013? On l'a dit tout à l'heure que 2001 n'était pas la bonne réponse. Résultat, il ne reste que 3 possibilités. 2005, 2009 ou 2013? Vous envoyez M.I.K.L. suivi de votre réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et comme je l'ai dit, vous avez été hyper nombreux à jouer hier. Mais bon, hier évidemment on était là de 20h à minuit, donc il y avait beaucoup plus de monde. Là ce soir on est plus en mode intime, il y a moins de monde, c'est normal, il est plus tard. Donc si vous voulez tenter votre chance, et ben c'est ce soir que vous avez certainement plus de chance. Vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. Il y aura le son de Saïa dans quelques minutes. Ce sera Chandelier. Voilà, bougez pas, ça arrive. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et y'a le chéri, je peux te faire cocu qui débarque dans moins d'un quart d'heure. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël nos limites que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, il est 23h52. Il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer comme tous les lundis soirs. Ce sera vers minuit. On aura les teubés de la télé, bien entendu. Puis il y a Tom qui dit aussi, tu fais un plongeon, tu te retrouves avec juste un morceau de maillot au niveau du pied. Et la tub saluant la foule, mort de rire. Ah oui, par rapport à cette magnifique nouvelle invention qui déchire tout, le string latéral. J'ai mis la photo sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Allez voir parce que franchement, ça vaut la peine. Hein. S'il y a un pote là qui fête son anniversaire bientôt, offrez-lui, ça fera le meilleur des effets avant d'aller à la plage, avant d'aller à la piscine. C'est la grande classe. Hugo qui dit un Allemand. Oh, allez vous faire foutre avec vos vannes de merde là. Hugo, là, t'es relou. Non, elle est même pas, je boycotte. Vais la lire. Enfin, je vais la lire. Je boycotte, c'est de la merde vos blagues sur les Portugais. Les Allemands, là, c'est pas de la merde. Moi, un Allemand vend un téléphone à un Portugais. Et l'Allemand lui dit, votre code PIN est 4x0. 4-0. 1, 2, 3, 4-0. C'est vrai que ça se fait pas. C'est vraiment des connards, les gens. Ouais. Au lieu de compatir, d'être dans la peine et la douleur, ouais, et la souffrance. Ouais. Bon, il y a Missy qui dit, coucou l'équipe, vous êtes toujours aussi cool et vous me faites rire. Dédicace à mon âme sœur que j'aime. Vite que notre petit garçon soit là dans 3 mois, ta princesse Hello. So sweet. Ils vont en acheter un? Bah oui, ça peut être. Salut, c'est Luc, je vous suis depuis une bonne semaine, c'est trop bien, continuez comme ça, je vous adore. PS, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue et une grosse dédicace aux gens du collège Guillaume des Hôtels, merci d'avance. Eh ben écoute, pas de problème, attends, on va même te mettre un petit message de bienvenue. Un petit bien comme il faut. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser toi, hein. Voilà, et puis après il y avait celui-là qui était pas mal non plus, hein. Fils de putain là. Ah, fils de putain. C'est notre ami Corse. Il y a qui également, Anthony qui dit mort de rire, faudrait pas que ça craque le string quand même, hein. Ne parlons pas d'Allemagne Portugal, hashtag Mickaël énervé. Bon, pas énervé, mais bon, disons... Il est un peu déçu, quoi. Ouais. Je m'attendais pas que le Portugal joue si mal, pour le coup, parce que c'est pas les Allemands. Les Allemands ont pas été mauvais, mais... Genre, les Portugais... Je sais pas, il doit y avoir un problème du côté ibérique. Parce que les Espagnols et les Portugais ont quand même fait quand même des matchs bien merdiques. Hein. Gary qui dit, ma boisson, c'est le Comedy Up Fraise et le Shiva 18 ans d'âge. Bah, bien sûr, ah oui. Évidemment, monsieur est connaisseur. Genre. Bah oui. Bon, je rappelle aussi, donc, donnez-nous vos boissons préférées, hein, par SMS notamment. Vous tapez M.I.K.L. suivi de votre message au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, on vous rappelle pour passer l'antenne. Et vous pouvez aussi envoyer vos réponses sur le Twitter avec le hashtag M.I.K.L. sur Fun, bien entendu. Bon, retour avec Vincent. T'es là, Vincent? Oui. Bon, très bien. Vincent, coupe ta radio, hein. Ça y est, c'est bon, tout coupé. C'est parfait. Tu nous appelais parce que toi, t'étais accro au sexe, donc t'es tellement accro que t'as dû aller voir des prostituées, t'as été en voir une, t'étais toujours pas rassasié, t'as été en voir une deuxième. Bah oui, la première, c'était un bon moment avec moi, et il a fallu qu'elle retourne travailler, donc elle est retournée travailler. Attends, mais je comprends pas, la première passe un bon moment avec toi, et puis après, il a fallu qu'elle retourne travailler, mais quand elle est avec toi, elle travaille. Mais non, parce que moi, j'en avais pas eu assez. Ah oui, donc en fait, elle t'a mis un premier coup, et puis après, elle a dû se barrer, elle avait un autre rendez-vous. Non, parce qu'il fallait qu'elle retourne travailler, parce qu'elle pouvait pas rester plus longtemps. Parce mais qu'est-ce qu'il raconte? Le problème, elle est partie travailler quoi? Elle a un autre métier? Mais non, c'est que... Mais parle normalement, arrête d'essayer de tourner autour du pot, quoi. C'est une pute, elle baise. Dis-nous les choses, voilà, dis-nous les choses. T'as couché avec elle, t'as payé, et elle s'est barrée. Bon. On va être clair, c'est que moi j'ai pas eu le temps de tout finir au bout d'un certain moment. Ah, t'étais pas à jouir, voilà. C'est voilà, ça j'y suis pas arrivé au bout d'un certain moment. Bah oui, c'est-à-dire que t'as explosé ton forfait de 30 minutes et donc du coup elle est repartie. Voilà. Ouais, mais, si tu la payes en plus, elle va te finir, hein, elle est là pour le genre. Non, parce que s'il avait un deuxième rendez-vous derrière. Si c'est les prostituées de luxe par exemple, elles peuvent pas rester là pendant 10 ans. Non, parce qu'après, il fallait que je retourne au guichet pour retirer de l'argent. Ah, t'avais plus un rond. Mais voilà. Elle pourrait quand même prendre la carte Visa, quand même, bordel. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais elle prend la carte bleue. J'avais plus de liquide. Si, du liquide, j'en avais en réserve, mais pas le même. Mais pas, oui. Oh, bah, merci, Vincent. Attention, c'est parti. Nous avons un comique avec nous, Vincent de Chambéry. Bon, attends, il y a Karim également qui est avec nous, là, de Royan. Salut, Karim. Ça va, Benzema? Bravo, hein, pour t'es le en match. Forme, là. C'est drôle, ça. Ça va, Karim? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. En parlant de Benzema, je voulais faire une petite parenthèse, mais j'ai écouté tout à l'heure sur RMC. Et donc, pourquoi est-ce que les joueurs de foot, quand ils font des interviews, on a l'impression qu'ils ont enterré toute leur famille? Parce que Karim Benzema, pour le coup, il avait quand même marqué, il était, enfin, tu vois, bien le match, ils ont gagné, donc positif, ils devaient être contents, ils devraient être contents tous. Et ben là, oui, alors Karim, vous pensez quoi de... Alors ça, c'est l'effet Zidane. C'est vrai que effectivement on a bien joué, mais il était dégoûté par rapport au but qui n'était pas compté pour lui, quoi. Non mais attends, mais même bon, à la limite, quand tu perds tu sois un peu déprimé, triste, ok, mais quand tu gagnes ça va, mais quoi. Non mais c'est ils sont tous au bord du suicide quand ils parlent. Mais moi je les comprends, les mecs au moindre truc on les défonce, c'est des connards, c'est des enculés. Donc imagine le mec là, il fait le fanfaron, il fait ouais putain on a été trop bon, on a super bien joué, on est les meilleurs. Mais peut-être pas forcément dire on a été trop bon, on est les meilleurs, mais juste être content d'avoir gagné. Voilà. Voilà. Non, mais, et donc du coup après le match d'après, s'ils font un score moyen, bon, voire même ils perdent, ouais voilà, ils étaient dans l'euphorie, ils sont laissés aller. On va essayer de l'avoir, Karim Benzema au téléphone là, pour voir, on va essayer de lui montrer comment il faut faire quand on fait une interview. Ouais. Pour être content, quoi, merde, voilà, ouais, c'est ça. Vrai. Bon, je me donne la fin du mondial pour essayer de l'avoir. Ouais, mais je crois qu'il a changé de numéro depuis la dernière fois. Ouais, bah ouais, écoute, on va essayer, on revient sur quelqu'un. Avant qu'il marque comme ça, on l'a eu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi le malin là, avec sa voiture quand pourrie. Quand il était à Lyon. Bon, on va voir. Bon, Karim, sois le bienvenu, t'appelles de Royan, toi. Et tu voulais aussi donner ton avis par rapport à Vincent. Est-ce que toi aussi, t'es accro au sexe? Et du coup, comment ça se passe avec tes meufs? Du coup, j'avoue que je kiffe pas mal quand même. Donc, au lieu de me payer des putes et me ruiner, comme je suis étudiant, tu vois, j'ai pas beaucoup de thunes, au lieu de me ruiner... Bah arrête, les étudiants, ils sont blindés. C'est une fausse excuse. Ouais, attends, vous êtes couvert d'alloc. Sale étudiant, va. Eh ben non. J'ai 150 euros de bourse par mois, tu vois. Donc mais c'est déjà énorme. Mais tu te rends pas compte. Il va se plaindre. Étudiant, bon, va. Non, mais vas-y, continue, dis-moi. Enculé, va. Et donc, du coup, j'ai trouvé un moyen. Donc, c'est un site de rencontre, tu vois. Donc, adopte un mec qui est encore là. Tu vois, je suis sur la route, je reviens de chez une nana, tu vois. Ouais. Et donc, comment? Mais ça marche pas. Ça, quand t'es un mec un peu beau gosse, ça marche. Ah, d'accord. Si. Mais franchement, je m'estime pas être un mec un peu beau gosse. Bon, après, je suis grand, tu vois, donc ça aide un peu, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà. Et franchement, ça marche du feu de Dieu, tu devrais essayer. Ah ouais. Bah moi j'ai essayé et ça marche pas du tout. C'est-à-dire que t'es pas grand et physiquement t'es pas non plus une bête de course, quoi, tu vois. Ah, c'est peut-être ça. Bah, ça doit venir de là. Je pense qu'il y a que mais ça, après, à mon avis. Je veux dire, même il y a des potes à moi, tu vois, qui sont dessus, qui arrivent à trouver, mais facilement, quoi. Ce que je veux dire, c'est les dingue, nanas dessus, elles ont beau dire, ouais, je veux une relation sérieuse, après, c'est pas forcément vrai, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et toi, Vincent, t'as jamais essayé Adopte un mec ou Tinder, enfin, tu vois? Ben moi, le problème, c'est que j'ai un téléphone où c'est que je ne peux pas avoir cette application. Par contre, en général, vous, enfin, adopte radio... un mec en même temps, c'est sur un site internet, hein, bêtement. Ouais. Mais en général, vous demandez à une meuf, donne tes mensurations et combien tu mesures, combien tu pèses. Voilà. Ça s'arrête là, quoi. On les porte, on les baisse jamais, t'inquiète. Non, mais sérieux, même les photos, on les reçoit pas, donc on. Si Polo, il a reçu des photos d'abdos, des mecs. Mecs, je m'en bats les couilles. Il est au top. Vas-y, continue, dis-nous. Eh ben, moi, je lance un appel ce soir aux filles, parce que j'écoute Bruno dans la radio, j'écoute Fun Radio du matin au soir. C'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mes mensurations. Vas-y. Attends, on va faire ça dans les règles de l'art. Je vais habiller. Allez, Christophe. Je vais habiller. Non, maintenant, il faut que ça soit une femme que j'ai au téléphone. Non, là, vas-y. Allez, vas-y. C'est top, le maître du monde. Vas-y, écoute, voilà. Toutes les filles t'écoutent, là. Alors. Elle m'écoute. Combien mesures-tu? Je mesure 1m78. Combien comme moi, c'est très bien, ça commence bien. Je pèse un modique poids de. Oui, si tu fais ici, si tu tournes autour comme ça, c'est que c'est tendu. Hein, non, 75, ça va. 75, ça va. Vas-y. Bon, alors, quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Un modique poids, je crois, dans le TDHA. Ouais. 42. 42, et la taille de ton zboob? Au repos ou en. Non, direction, travail, on a rien à foutre, on s'en fout. Eh ben, en marche normale, je suis dans la moyenne nationale, je suis à 18,5. Non, c'est pas la moyenne, la moyenne c'est 16, on l'a dit hier. Ouais, c'est 16, la moyenne, ouais. Voilà, donc, c'est ça. Donc je prendrai 16 en compte. Voilà, puisque tu dis la moyenne nationale, donc voilà, ça fait 16. Eh ben, très bien, les filles, si vous êtes intéressés, sait-on jamais, appelez-nous, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, voilà, tout simplement. Son seul problème, c'est qu'il utilise des phrases un peu bizarres, parce qu'il tourne autour du pot. Ouais, il tourne autour du pot, ouais. Effectivement. Alors s'il tourne autour de votre chat, vous n'êtes pas arrivé, hein, si vous êtes en chien, les filles, là, c'est pas gagné. Hein. Bon, en tout cas, les messages sont passés. Vincent, on ne te cache pas qu'en règle générale, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Autant une fille passe à l'antenne pour dire « Ouais, je suis à la recherche d'un mec, ça cartonne !» Autant, je sais pas pourquoi, en général, quand un mec cherche une meuf, ça ne marche jamais. Hein. Ouais, d'ailleurs, même une meuf qui ne cherche pas de mec, généralement, on a des messages pour dire « Ouais, elle avait l'air bonne !» et tout. Ouais, je peux la pécho, Greg, je peux avoir le numéro, enfin bref. Mec, tu l'as jamais vu, tu l'as juste entendu. On verra. Ouais, mais il y a des filles qui ont les pure voix. D'ailleurs, méfiez-vous, en général. Les filles qui ont les pures voix ont souvent un physique pas facile. Ouais. Attention, il y a des exceptions, bien entendu. Mais j'ai un souvenir de quelqu'un qui bossait à Fun fut un temps, qu'on a rencontré avec Toff, on était petits. Ah oui. Et elle avait une pure voix. Et bon, physiquement, c'était pas la folie. Hein. Non, ouais, là. Ah oui, c'est vrai. Il y en a eu deux même. Ah, et c'était pas la folie de folie. Enfin bon. Bon, ben salut Karim, merci en tout cas d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. À bientôt Karim. Ciao à toi. Et puis Vincent, bah, tu en jus, hein, ok? Eh ben moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez balancer mon numéro et de toute façon, je suis prêt à relever tous les défis. Bon, c'est le 06. J'imagine. J'imagine, Vincent. Bon, bah salut à toi et bonne route, hein. Bientôt dans le camion. Merci, il n'y a pas salut. De souci, bonne soirée. Ciao. Allez, ciao. On va parler des boissons également, là. Quelle est votre boisson préférée pour l'instant? Dites-nous, il y a Élise avec nous de Paris. Salut Élise. Salut Mickaël, salut l'équipe. Oh, t'es une douce, toi. Comment? T'es une douce. Tu as moins de 15 ans. Oui. Eh ben voilà, tu es là. C'est très bien. Bienvenue à toi, Élise. Dis-moi, merci. C'est quoi ta boisson préférée? C'est un peu original. J'adore le sirop mélange de kiwi-banane. Kiwi-banane? Kiwi-banane. Ah ouais, pourquoi pas? Brut comme ça ou avec un peu d'eau? Non, avec de l'eau. On the rocks? On the rocks, exactement, ouais, sur glace. Non, on en parlait parce qu'il y a un nouveau Coca-Cola qui va sortir avec... comment il s'appelle encore? Coca-Cola Life. Bah, ah oui, Life, hein, pas Light, hein, Life. Et donc c'est une boisson... Alors la canette va être verte, bon ça c'est pas très beau, mais bon. Et donc ils vont enlever l'aspartame, tout le bordel, le vrai sucre. Et ça va être en fait un sucre qui vient d'une plante, donc un sucre naturel. Ça sera sucré, donc ce sera pas une calorie comme le Light, mais ce sera beaucoup moins de calories, deux ou trois fois moins de calories que le Coca-Cola... normal, le rouge là. Et donc du coup, bah voilà, je vous demandais quelle était votre boisson préférée. Donc toi, Élise, on sait. Corentin, c'est quoi toi? Bienvenue à toi, le breton. Salut Mickaël, moi c'est le Sprite. Le Sprite? Ah ouais, j'aimais bien, mais j'aime plus maintenant. Eh, t'es breton et tu dis pas le Chouchen? Non. Non, attends, il y a le Brice Cola aussi. Ah, le Brice Cola. Le Brice Cola. C'est LG Art sur le Twitter qui dit boisson préférée, c'est le Bryce Cola évidemment. Message de bienvenue, bah si tu veux, tiens, je t'en mets un. Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Mais voilà, LG Art. Déjà, le coca normal, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais alors dans le Bryce Cola. Le Bryce Cola, c'est que du breton. Ah ouais. Du beurre salé. Du beurre salé, exactement. Ouais. Et de la pluie. Et de la pluie. c'est ça qui vraiment fait un colère avec les bretons, la pauvre con. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Ils critiquent bien les portugais tous. Ouais, c'est vrai, mais bon, un peu de respect envers les bretons. N'est-ce pas, Corentin? Ouais. Un peu de respect, c'est normal. Et en plus, toi tu dis qu'il fait toujours mauvais et tout. C'est pas moi, c'est Toff qui dit qu'il fait toujours mauvais. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, on a eu une semaine où il faisait que beau ciel bleu. Non, oh, vous avez fait une semaine. Oh, c'est la folie ça! Quoi, vous avez enlevé. Vous avez gardé l'impair, mais vous avez enlevé quoi? Le ciré, c'est ça? Le ciré, ouais, c'est ça. Non, on rigole, mais bon, on aime bien la Bretagne, on aime bien les Bretons aussi. D'ailleurs, on sera à Marseille la semaine prochaine. Rien à voir. On sera à Marseille dimanche, d'ailleurs, à partir de. Bon, on y arrive samedi. On passe la soirée avec vous, tranquille. Et puis, dimanche, on fait l'émission en direct des studios de Fun Radio à Marseille. C'est sur le Vieux Port. Vous pouvez pas le rater. Il y a des logophones sur la façade de la radio. Donc, vous venez, nombreux, nombreuses, tout ça. En plus, il n'y aura plus d'examen et tout. Tout sera fini. Donc, je compte sur vous, hein. Et on va pouvoir faire le gainage sur le Vieux Port et tout ça, la folie. Cette merde. Salut Corentin, salut Élise, merci d'écouter ça. Allez, vas-y, Élise. À une seule personne, choisis la bonne. Une seule? Ah ouais, une seule. Vas-y, choisis la bonne, Élise. Bah, dans ce cas-là, c'est un message groupé à tous mes abonnés sur YouTube. D'accord. Oh. Eh ben, on les embrasse toutes. Salut Élise. Salut. Ciao, Corentin, merci à toi d'avoir appelé. Je voudrais un petit peu pour une chaîne YouTube. Bah vas-y, il y a quoi sur ta chaîne YouTube? Bah c'est des vidéos de motocross, c'est Gaz KTM -YZ. Putain, vous êtes relou. Combien de fois je vais vous dire, quand vous créez une chaîne, pourquoi vous ne prenez pas quelque chose de facile? Quinte KTM-YZWC. On dirait un code, un mot de passe Wi-Fi. Mais non. Ouais. C'est le truc super chiant. Bon, répète Corentin. C'est Gaz, GAZ, ouais. KTM et YZ. Ouais, bah c'est facile, ouais. Et il tire un tiret, hashtag, hashtag, hashtag. Iti, hashtag iti. Non, mais voilà. Bon, écoute. Rentrez maison. Bon, voilà, donc c'est Gaz et puis tiret quoi? KTM. Non, Gaz, KTM, c'est une YZ. YZ, c'est des motos? Ouais, c'est des marques de motos. Oui, bah c'est pour ça. Bon, les connaisseurs trouveront, donc voilà. Bon, bah ça marche, Corentin. Salut à toi en tout cas, à bientôt, hein. Ok, salut. Salut, ciao. On aura les teubés de la télé dans quelques minutes. Et puis je vous rappellerai également comment faire pour jouer, pour repartir avec vos maillots de foot. Bah, je peux le faire maintenant, tiens, en speed. Pour jouer et gagner vos maillots de foot officiels du Mondial 2014, le ballon de foot officiel également du Mondial 2014 et bien entendu les chaussures Nike, Adidas ou Puma. Officiel du Mondial 2014. Il faut répondre à la question. La Belgique et la France se sont affrontées au foot, évidemment, mais c'était quand la dernière fois? En 2001, on sait que c'est pas bon. 2005, 2009 ou 2013. Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec un de ces cadeaux, on tire au sort dans une petite vingtaine de minutes, donc vous pouvez jouer encore si vous ne l'avez pas fait. Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900. Il y a Anouar qui proposait en 2001. Ben non, on a dit tout à l'heure que c'était pas la bonne réponse. Bon. Et puis il y a un message aussi, c'est en 2005 je crois. Non, bah allez, je vous donne un indice en plus, c'est pas en 2005 non plus. Le résultat, il reste 2009 ou 2013. Voilà, donc vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64-900. Donc, et puis pour la Belgique, c'est au 63-22 que ça se passe. Je vous souhaite bonne chance. On tire au sort dans une petite vingtaine de minutes. Le chéri, je peux te faire cocu, va arriver également. Et puis on va se faire le son, je l'ai promis tout à l'heure, le son de Saya maintenant. C'est Chandelier maintenant au cœur de la nuit, sans pub sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. Why you on for tonight? Ah, il est bon là, le nouveau son de. Enfin, le dernier son de Saya à l'instant, c'est Chandelier sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on est toujours en direct évidemment, il est minuit 12, hein. Ça va de soi, on est là jusqu'à 2h du mat. Il y a Pierre qui dit salut l'équipe de Fun, vous êtes des gros malades là. Pourriez-vous me passer un appel de bienvenue et passer une dédicace à ma princesse? Bah, le message j'ai passé, Pierre, et puis un message de bienvenue, c'est ça? Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance sur toi. Je vais te mettre ma bite sur la tête. Et le mec dit pour sa princesse, j'ai passé pour sa meuf ou pour sa fille, mais putain la violence. Étienne qui dit salut, je suis en

exactement. Benjamin également, Mickaël sur Fun Radio, mort de rire Michel. Mort de rire, je t'adore à chaque fois que tu gueules. Je t'adore, pardon, à chaque fois que tu gueules. Et derrière le téléphone, je suis mort de rire. Et alors Dylan qui dit bonsoir l'équipe, je vous aime de plus en plus, vous me faites rire à en mourir. Oh, c'est gentil Dylan, merci pour tous vos messages. Allez, on continue, on revient dans quelques minutes. Dernière ligne droite maintenant pour repartir avec le maillot de foot de l'équipe de votre choix. D'ailleurs, je tiens à remercier également un auditeur qui a, c'est Willing VVV sur le mail, qui a fait un match sur FIFA 14 Portugal-Allemagne où le Portugal a gagné 4-0 dans le cul l'Allemagne. Bon, c'est sur FIFA 14, mais ah, c'est toujours ça. Mais voilà, c'est ça. Bah, merci. C'est un petit réconfort. Et un triplé de Cristiano Ronaldo, c'est beau ça ou pas? C'est magnifique. C'est oui. Dommage que ça n'arrive pas en Coupe du Monde. Non, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Il faut qu'il se chauffe. Mais oui, voilà, c'est ça. Bon, donc je disais, si vous voulez repartir avec votre maillot de foot au choix parmi les équipes de la Coupe du Monde 2014, ou alors le ballon de foot officiel, ou alors les chaussures officielles, bien sûr, chaussures de foot avec crampons et tout. Hein. Vous allez pouvoir gagner ça grâce à Fun Radio, bien évidemment. Vous allez pouvoir jouer maintenant, mais pour ça, il faut répondre à la question que je vais reposer maintenant pour ceux qui viennent de débarquer maintenant. C'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Alors écoutez bien, la Belgique et la France se sont déjà affrontés au foot évidemment, mais c'était quand la dernière fois? On avait déjà dégagé 2001 et 2005, reste 2009 ou 2013. C'était un match amical en août pour être plus précis, et ça s'était fini sur un 0-0. Donc c'était en 2009 ou en 2013 le dernier match entre la France et la Belgique. Ça se passait en Belgique d'ailleurs, à Bruxelles, au stade Roi Baudouin. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse au 64-900 par SMS. Et alors la vue l'heure, si vous voulez, si vous n'avez pas encore joué, tentez votre chance maintenant à minuit 29. Je peux vous dire que il y a de la place. On tire au sort dans quelques minutes. Le temps d'écouter Avicii avec Lay Me Down. Voilà. Et puis si vous voulez jouer depuis la Belgique, bah, vous faites pareil. Hein. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de votre réponse et vous envoyez ça au 63-22 du coup pour la Belgique. Voilà, comme ça vous avez pris note de tout, j'espère en tout cas. Et on écoute maintenant le son d'Avicii sur Fun Radio, Lay Me Down. Allez, bonne chance hein, pour choper les maillots de foot. On offre ça évidemment pendant tout le mondial 2014 avec Pro Direct Soccer. Bonne soirée tout le monde et bonne nuit. On est au cœur de la nuit sans pub. Et il y a les appels malveillants qui arrivent après Avicii sur Fun Radio. Toujours aussi bon le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio, c'était Lay Me Down. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, les appels malveillants arrivent dans quelques minutes sur Fun Radio. Et avant de faire les teubés de la télé, eh bien, il est l'heure maintenant de tirer au sort. Tirage au sort donc parmi ceux qui se sont inscrits en démo, débutant le message par M-I-K-L par SMS pour gagner le maillot de foot hein, offert par Pro Direct Soccer. Allez, c'est parti, on y va. Et par Fun Radio, bien entendu, on appelle celui ou celle qui décroche maintenant et répond correctement à la question. On repart avec soit le maillot, soit le ballon de foot, soit les chaussures, au choix. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Delphine. Salut Delphine, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio Delphine. Bonjour. T'es dans quelle ville Delphine? Combien mesures tu Delphine? Attends, là on s'en branle. T'es dans quelle ville Delphine? À Ruffec. À Ruffec, c'est où? En Charente. Ah, en Charente, d'accord, ok, très bien. Alors que son tour de poitrine, combien mesures ça? Et t'as quel âge Delphine? J'ai 26 ans. 26 ans, très bien. Bon, alors, est-ce que... Oui, ah, voilà, oh là là, bon, bah, vas-y. Combien mesures tu Delphine? 1m65. Combien pèses-tu Delphine? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine Delphine? 90C. Ah, il va être bien mis en valeur ce maillot. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 38. Attends, tout dépend de... Qu'est-ce que tu choisirais comme maillot si tu gagnes? Le maillot de France, bien sûr. Les 1000 équipes de France. Bonne. Bon, mais tu ne l'as pas encore. Nous allons devoir d'abord vérifier la réponse. La Belgique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a encore la musique des chiffres et lettres? Ah, il y a le livre d'aujourd'hui. Ouais, alors la Belgique et la France se sont affrontées au foot, mais c'était quand la dernière fois? 2001, 5, 9 ou 2013? 2013. Eh ben 2013, évidemment. Ouais. Et ben voilà, tu repars avec le maillot de l'équipe de France, du coup, puisque c'est celui que t'as choisi. C'est pour toi ou pour ton mec? C'est pour mon copain, ouais. Oh, c'est tellement plus sexy sur une fille. Bah oui, mais... Bah oui, tu nous envoies une photo, alors que là, une photo de ton mec, on s'en fout. Mais voilà, bon, comme je l'ai dit à l'autre auditeur qui a gagné hier, ou jeudi, je sais plus, un maillot de l'équipe de France, on va pas les envoyer tout de suite, on va attendre que la Coupe du Monde soit terminée. Je t'explique pourquoi, parce qu'actuellement, l'équipe de France n'a gagné qu'une fois la Coupe du Monde, il n'y a qu'une seule étoile, et que ce serait dommage si jamais ils gagnent la Coupe du Monde cette année, qu'on t'envoie le maillot avec une seule étoile. Il serait périmé. Donc autant qu'on envoie directement le bon, sous réserve, évidemment, que l'équipe de France gagne quelque chose, bien entendu. Bon, en tout cas, bravo à toi Delphine. Comme quoi, il y a des filles qui jouent aussi hein. Et comme quoi, il y a des filles qui aiment bien. T'aimes bien le foot ou tu t'en fous? Ouais, non, j'aime bien, ouais. D'accord, ok, bon, tu vois la France arriver où, toi? En finale. Ah, carrément, toi, t'as pas peur hein. Ouais, allez. Ah, bon, si le Portugal peut arriver en 8ème, déjà, je suis content hein. Non, il est chaud, Benzema, il est chaud. Donc, bon, bah, écoute, on verra. Bon, bah, salut Delphine, en tout cas, je te fais des bisous. Merci hein. Salut, ciao à toi, ciao à vous même. Puis on remet le couvert demain bien entendu avec d'autres cadeaux à gagner. J'ai encore un casque également à vous offrir ce soir, un casque DJ si vous voulez le choper aussi. On sélectionnera quelqu'un aussi tout à l'heure avant 2h du mat. Vous balancez vos messages, M-I-K-L suivi de votre message, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Devers 45 puisque je vous demandais aussi quelle était votre boisson préférée qui disait il y en a tellement je peux pas en citer. Il y a l'Oasis framboise fraise également. Valo qui dit c'est totalement moche et inutile le string latéral. Oh, je peux pas laisser dire ça. Oh, c'est pas très beau, quand c'est même. Hyper moche. Cassandra qui dit c'est pas très sexy, tout ça c'est même tue l'amour le string. Il y a Nes qui dit le gars qui a inventé ce string mérite la prison à vie. Valo qui dit je mérite un bon coup de pelle car je viens juste d'arriver. Bah ouais, t'as raté plein de choses, notamment le chéri, je peux te faire cocu, Valo. C'est Lizzie aussi, le string latéral mort de rire, trop fort avec une vieille marque de bronzage. Oui, parce que du coup t'as la marque de bronzage que d'un côté. C'est ça. C'est assez surréaliste. Ouais, quand mais même. tu le mets un jour d'un côté, un jour de l'autre. Ah, normalement, bah ouais, ça va. C'est une idée. Le string latéral, donc c'est un string qui emballe les couilles et la bite et qui va... mais qui ne tire que d'un seul côté. Hein. En gros, si vous voulez, c'est comme un string normal, sauf qu'il ne tient que d'un côté. Voilà. Oui. Il n'y a pas l'autre côté, il n'y a pas le côté gauche, par exemple. Il y a la photo, si vous ne comprenez pas bien, sur le Facebook et le Twitter. Hein, n'hésitez pas, vous m'ajoutez, tapez Mickaël officiel hein, et vous me retrouverez sur le Facebook de l'émission sans problème. Et Julien qui dit, j'ai reçu le cahier de vacances de Clara Morgan, merci la team. Bah, de rien, Julien, avec plaisir. Hein. Clara Morgan qu'on a reçu d'ailleurs il y a une semaine. Et il y a la vidéo d'ailleurs sur le YouTube de l'émission, tapez Mickaël officiel, bien entendu, pour venir vous abonner à ma chaîne et je m'abonnerai également à la vôtre. Bon. Souvenez-vous, il y a une heure, il y a trois quarts d'heure pour être précis, on avait reçu un mail d'un auditeur qui disait « Appelez ce gars-là, vous allez voir, vous allez pas être déçus, c'est... je vous promets de la violence !» Bon, donc on va l'appeler. Bah voilà, donc on va l'appeler pour voir s'il aime bien les strings latérales. Allons-y. Allez, c'est parti. Merci en tout cas à ceux qui envoient leur numéro, hein, des numéros de d'ennemis ou d'amis un peu violents qu'on peut appeler comme ça tous les soirs, c'est sur le mail de Tof que ça se passe. C'est parce que je supporte le Portugal cet après-midi. C'est normal. Voilà, donc toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. J'espère que ça va être du lourd parce qu'on a gardé ton mail pour t'insulter au cas où. Allez. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous aimiez porter comme sous-vêtements, monsieur. T'as envie de te faire sodomiser, non? Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Bah, je ne sais pas, moi. Si t'as envie de te faire sodomiser, moi, je veux bien. Hein. Oui, mais je vois pas le rapport, monsieur, c'est pas du tout. Non, mais je te donne rendez-vous quelque part et puis je t'en fous plein le cul, moi. Non? Tu veux pas? Mais pas du tout, monsieur. Enfin, y a pas question de ça entre nous. Non, mais tu veux pas que je t'encule? Non, monsieur, je veux juste savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements. Non, mais tu veux pas que je t'encule? Mais non, monsieur, pourquoi vous voulez absolument m'enculer? Bah, je ne sais pas, moi. T'as envie de te faire enculer ou quoi? Mais pas du tout, monsieur. Dis-moi si t'as envie de te faire enculer! Mais pas du tout, monsieur, enfin, un petit peu de calme. Quoi? T'as envie de te faire enculer? Hein? Non, monsieur, je voudrais... Non, t'as envie de te faire enculer, mec? Tu descends chez moi, tu veux que je te donne mon adresse? Bah, si vous voulez, monsieur, mais moi, je préférerais que vous répondiez à ma question. Tu veux que je te donne mon adresse? Non, monsieur, je voudrais que vous répondiez t'as à ma question. T'as envie de te faire sodomiser, du con? Avec un manche emballé, ça te plairait? Non. Tu veux que je te donne mon adresse? Bah, pourquoi faire, monsieur? Eh bah, pourquoi faire? Allez, tu veux que je te la donne? Bah, si vous voulez, monsieur, mais je vois pas l'intérêt. Oui, mais quel intérêt que tu te demandes que j'ai des sous-vêtements, du con? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Pour savoir quoi? Bah, c'est une question, monsieur. C'est une grosse question à la con. Mais pas du tout, monsieur. Tu es complètement débile. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, mais pourquoi si, vous dites t'es ça? Mais si, complètement débile. Mais faut aller te faire soigner, mon con. Oh, non, monsieur, non. Mais si, mon petit monsieur, mais faut non, aller te faire soigner. C'est pas gentil, ce que vous dites, mais monsieur. Mais si, je suis très gentil. Je serai très gentil avec toi. Non, mais monsieur, je pense mais que... Mais putain, laisse-toi enculer, allez, merde. Mais... Allez, fais-moi moi ton cul. Allez. Non mais pas ça entre nous, monsieur, un peu. Mais si, allez, putain. Allez, fais-le voir ton cul, là. Pourquoi vous voulez voir allez, mon cul, monsieur? Mais putain, oh, t'es con, quoi. Pas du tout, monsieur, enfin, je comprends. Mais si, t'es vraiment con. Oh non, monsieur, non. Faudrait savoir si tu veux te faire enculer ou pas. Allez. Je crois que je vais choisir que je préfère pas, monsieur. Oui, bah, tu préfères pas. T'as bien raison, du con. Allez, une bonne soirée, monsieur. Hein. Allez, au revoir, hein, d'accord. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Prends-toi bien. Vous aussi. Oui, d'accord, merci. Bah, moi, c'est déjà fait, mais c'est déjà branlé. D'accord, bah, ça me rassure. Allez, au revoir, bonne soirée, je te laisse, hein. Moi aussi, au revoir. Merci, au revoir. Ah bah on n'est pas déçus de l'achat hein. Bah oui effectivement. Alors je sais pas qui c'est celui qui a envoyé le numéro par mail là, mais très très bon client. Non hein. Mais c'est un truc de ouf. Mais tu veux pas te faire enculer Toff alors Non ça va aller. Oh c'est dommage parce qu'il proposait en plus ça avait l'air cool. Il y a Chouchita qui dit t'as envie de te faire sodomiser du coup avec un manche à balai. Oh c'est mon préféré là. Ah ouais je pense qu'on est pas mal. Et pour une fois vous avez remarqué on a pas fiché un corse. Non c'est vrai. Ou alors il a pas l'accent mais on a pas été en bas. Vas-y laisse-toi te faire enculer. Tu as reculé ou pas tu as reculé hein. Est-ce que tu as reculé Mais donne-moi ton cul. Donne-moi ton cul tu as reculé. Oh là là il était énorme celui-là. Il était pas mal. Bon et eh ben après ces magnifiques messages de paix, d'amour et d'amitié, prenons Jordan qui est avec nous. Il a envie de se faire enculer ou pas Jordan? Ah non, moi non. Ah c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Putain. T'es sûr que t'as pas envie de te faire enculer hein? Parce que sinon t'en fais connaître quelqu'un là. Non non ça va, mais il est cool, il avait l'air sympa tantôt le type. Ah il avait l'air un peu, il avait l'air bien. Franchement il avait l'air, il avait l'air plutôt pas mal, plutôt en forme. Oh, putain, j'en ai pleuré de rire. Ah ouais mais tu veux te faire enculer ou pas? T'as envie de te faire enculer qui a un manche à balai? Non ça va. Ah bon bah tant pis. La place à toi. Ah bah écoute tant mieux alors, très bien. Tiens il y a un message qui est arrivé par SMS là qui dit ma boisson le Canada Dry c'est au gingembre, ça tue. Ouais j'aime beaucoup le Canada Dry aussi là. Pété de rire, allez donne-moi ton cul, je décède de rire, c'est Benji. Vladimir Poutine aussi, on se sent si bien avec Mickaël, on oublie tous nos problèmes. Oh bah c'est gentil Vladimir Poutine. Je pleure de rire avec cet appel, il est énorme pour Mr. Steven. Donne-moi ton cul, mais vas-y, t'as envie de te faire enculer ou pas? Continuez avec vos messages, hein. Débutez le message par Mickaël et vous envoyez au 64-900 comme d'hab. Bon Jordan, toi tu voulais parler des boissons, t'appelles de Castres, ouais. Dans le 81, et alors c'est quoi ta boisson préférée toi? Le 7-Up. Ah, Seven. Ah, j'aime bien le setup. Ouais, mais c'est archi sucré aussi. Ouais, ah oui, mais t'as le light qui existe, hein. Bon, après, t'as l'aspartame, donc c'est pas très bon. Mais avec oui. Avec du sirop, c'est pas plus mal. Avec quoi? Avec de la grenadine ou quoi, c'est bon aussi. Ouais, alors à la limite, tu prends grenadine avec un peu d'eau pétillante, ça c'est pas mauvais. Ouais, aussi, ouais. Ou avec de l'eau tout court, hein. Ouais, parce que du 7-Up, ça a aucun intérêt, puis t'as plus le goût du 7-Up. Bah, si un peu, en fait, ça mélange. C'est comme moi, par exemple, quand je vais au Quick, je prends. Je mets du. Alors, je mets. 3 quarts de Coca zéro. Je rajoute un peu de Fanta et un peu de Sprite. Ah ça doit être pas mauvais. C'est au top, j'adore. Ah c'est pourquoi c'est des fontaines. Ouais. Ah oui d'accord. Enfin, pas partout mais tu peux, tu sais, tu te sers toi et quand tu te sers toi-même du coup hop, tu remplis des trucs comme tu veux. Et voilà. Et après sinon vous faites juste Coca zéro et Fanta, c'est bon aussi, hein, vous pouvez essayer, y a pas de problème. Enfin bon, note maintenant. Au j'ai entendu France, un truc Pepsi, sur le Coca aussi. De quoi Jordan? Sur Facebook, j'ai entendu un truc sur le Coca. Apparemment, il y a Facebook. Des types qui éjaculé dans le Coca. Et un bébé est sorti direct. Bim. Non, c'est bon. Ça a tourné sur tout Facebook, j'ai vu ça. Et mais ça donne quoi comme résultat? Est-ce que c'est comme avec le manteau, s'il y a tout qui pète dans tous les sens ou il se passe rien? Je sais pas, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Non mais d'accord, mais t'as vu la vidéo ou pas? Ah non, du tout. Je vais acheter un Coca à la machine et j'ai ça à soir. Ah bah génial, bah toi on va essayer, tiens on est ravis de l'apprendre. Je bah voilà, je vous dirai. Bah voilà une bonne nouvelle, tiens, c'est plutôt cool. Bon bah parfait, bah merci Jordan de Castres. Hein. Ouais, je peux faire une petite dédie. Tu passes pas nous voir à Marseille? C'est un peu loin quand même. Oh ça va. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a combien de kilomètres Castres à Marseille? Il doit avoir en route 4 heures de route. C'est rien. Si tu vas à pied en partant aujourd'hui, tu seras là pour quand on arrive. Voilà, dimanche on sera là hein, sur le vieux port. On fait l'émission en direct du vieux port, donc je compte sur vous pour venir nombreux dans les studios de Fun Radio à Marseille. On sera là, il y aura des cadeaux, il y aura Polo, il y aura Toff, il y aura moi, il y aura vous surtout aussi d'ailleurs. Et puis ben, n'oubliez pas de venir les filles. Hein. Surtout les filles. D'abord aux filles et s'il reste un peu de place, les mecs peuvent rentrer. Voilà, soyons clairs. Si je viens pas à Marseille, vous écouterez. J'espère bien. J'espère bien. Bah merci beaucoup Jordan, tu reviens quand tu veux. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Allez, ciao. Salut. À toi. Et comme on est sur Marseille, on va prendre Marco Lombrouille avec nous maintenant là. Salut Marco. Ouais, mon père, ça va quoi? Oui, ça va bien et toi? Ouais, ça va, alors, ça fout de vous. Eh ben, on vient à Marseille dimanche, Marco, tu viens nous voir. Ben, bien sûr, il n'y a pas de souci, mon pote. Tu vois où il est, le studio de fun? Et encore heureux. Oh, très bien, face au vieux port. Ouais, je viendrai avec mon yacht, toi, hein, donc qu'on me laisse de la place. Tu viens avec ton yacht ou quoi? Non, je viens avec que dalle, avec une voiture de loc. Je sais même pas ce que ça va être comme voiture de loc. Bah, pour rien vous cacher, je n'ai toujours pas mes billets d'avion. Enfin, on l'a toujours pas nos billets, donc on sait pas quand est-ce qu'on y arrive. Hein, mais... Bah, nous, on a croisé, avec Polo, on a croisé la personne qui s'occupe des billets à la radio. Elle nous a dit, je vous apporte les billets, et puis on l'a plus revu. Ah, bah voilà, comme ça, moi, c'est arrangé. Donc, peut-être qu'on viendra en voiture, ou en train, ou en bateau. Ou à pied. Ou à pied, on verra bien. Chercher, ah, ça, c'est gentil, ça. On voit l'hospitalité marseillaise. Bon, Marco, alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben oui, il m'amène que je voulais parler un peu avec vous, tranquille, c'est quoi ton boisson préféré, mon poteau? Ah ben moi c'est Coca Zéro, moi j'aime bien. Moi c'est le Pastaga. Ah, sans déconner. Ouais. C'est marrant, ça nous étonne pas. Eh, venez un dimanche soir avec toutes les boissons marseillaises, toutes les boissons locales, un petit pastis aussi pour Toff et tout et ça. Avec des poubelles aussi. Ouais, bah, oui, il y a pas de problème, on peut plus mettre pétanque. Bah exactement, eh ben voilà, tiens, t'amènes les boules et puis après on fera un petit pétanque devant les studios de fun, tiens, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Mais tu tires ou tu pointes, toi? Mais je fais les deux. Ça dépend s'il y a quelque chose de bien devant, je tire ou je pointe. D'accord, parce que Toff, il ne fait que se faire tirer, lui. Hein, c'est pas pareil. Je ne me fais que ça. Ah. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Il a raison. Bah, évidemment. Bon, tu vas venir avec des copines ou pas? Ou avec des potes? Ou tout seul? Il n'y a pas de problème. Tu veux des copines? Non, il est marié. Eh ben, c'est pas, eh ben viens justement, comme ça, on profitera à sa place. Je suis grillé, mon pote. Merde, quel âge est là ta femme? Elle a 30 ans, hein. Eh ben, elle peut venir. Elle peut venir, bien sûr, elle peut venir. Bon. Attends, passe-la nous. Non, pas vomir, venir. Passe-la nous ta femme, là, comment elle s'appelle? Vas-y, Charlène. Charlène, bah passe-la nous, Charlène. Vas-y, tiens, parle. Allô? Ouais, Charlène, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va. Attends, je te passe Toff. Alors Charline, combien mesures-tu? Je veux dire 1m62. Combien pèses-tu? Je pèse... Ah, c'est un coup de salaud, ça. C'est un coup de salaud, mon pote. Ouais, grave. Bon, alors, je combien... pèse 58. Oh là là. Quel est ton tour de poitrine? C'est indiscret, ça. Mais non. C'est scientifique. Oui, c'est médical. On est des médecins. 90C. Oh là ça là va, là. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah bah, oh, tu peux venir, hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On laissera Marco dehors. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà, tu peux venir, hein, Charlène. On laissera Marco dehors. Il restera, en plus il fera beau dimanche, donc il va être bien, il va bronzer. Il fera la sécu. Mon pote, moi je fais pas un 38 de taille ni 1m68, hein. Bah, justement. Oui, t'as l'air moins sexy qu'elle, hein. Je suis moins sexy qu'elle, ça c'est sûr. Ah oui, ça, bah heureusement pour toi, là, tu me diras. Bon, bah Marco, on te voit dimanche soir, alors, hein, tu viens, y a pas de problème et tout, on fera. Tu nous montreras comment les Marseillais sont gentils et accueillants. Ça va, y a pas de problème, mon pote. Ça roule. Bon, bah merci en tout cas, Marco. Ciao à toi, à bientôt. Allez, ciao, bisous. Salut. Et puis, il va venir avec Charlène, donc ça va être cool. Je pense qu'on va bien se marrer Marseille ce week-end, ça va être cool. Voilà, et on arrivera déjà dès samedi d'ailleurs, hein, on vous dira sur le Facebook, le Twitter, et dès demain aussi, on vous dira où on sera. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Axel qui va nous appeler, qui nous appelle de Toulouse, avec qui on va parler dans quelques minutes pour rapport avec les strings latérales, tout un programme. Allez, ça va être beau. Et puis, on va se faire grave. Et puis, on va se faire. J'ai déjà mis Pitbull et Jennifer Lopez? Non, je me souviens plus. Non. Non, je crois pas. Ah bon, on va le mettre maintenant, alors c'est parti. Alors, Pitbull et Gillo maintenant avec We Are One sur Fun On au cœur de la nuit sans pub. Continuez avec tous vos messages, tapez Mickaël suivi de votre message au 64 900 par SMS ou alors avec le hashtag Mickaël sur Fun. Bien entendu, ça fonctionne comme ça, on lit tous vos messages en direct sur Fun Radio. Les teubés de la télé avec un peu de retard, on se fait ça après Pitbull et Gillo, c'est We Are One sur Fun Radio. Put your flags up in the sky. Le son de Pitbull à l'instant sur Fun Radio, c'était We Are One. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, il y a plein de messages qui arrivent. Il y a Ophélie qui dit mort de rire, dur de ne pas rigoler pour pas réveiller mes parents avec vos appels trop marrants. Bah oui, mais surtout Claude, il était complètement ouf. Hein. C'est un vrai psycho. Attends, le mec qu'on a eu. Alors, si vous n'étiez pas là, là, c'est vraiment dommage, hein, puisqu'il était quand même très chaud. Mais putain, laisse-toi enculer, allez, merde. Allez, fais-moi moi ton cul. Eh oui. T'as envie de te faire enculer, hein? Eh oui. T'as envie de te faire enculer? enculé. Tu vas voir, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la bite, je vais te faire une grande faciale. Ça c'était la semaine dernière. Allez, donc. Bah, en tout cas, merci parce que ils sont vraiment très très bons là, les derniers. Là, les derniers que vous nous envoyez sont vraiment de toute beauté. Tout voilà. Ça, c'est des pères de famille, c'est des mecs qui travaillent, qui sont en costard le lendemain et qui disent. Ouais, mais t'as vu, les gens sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Putain, les enculés, allez, merde. Le pire, c'est ceux qui allez, gueulent. Fais voir moi ton cul. Et qui derrière me font. Ouais, mais tu vas réveiller mon fils. Exactement. T'as envie de te faire enculer? T'as envie de te faire enculer? Hein? Oh là là là là, ils sont magnifiques. Bon bref, il y a Nes qui dit comme boisson super bonne, il y a le Soumol également, trop bon. Ah bah j'adore, mais il y a que du sucre. Alors là pour le coup, je suis même pas sûr qu'ils aient fait des versions light parce que non. Là il y a plus rien. Bah non, parce qu'il y a que du sucre. Je t'en supplie, tu peux me faire une dédie s'il te plaît, j'en ai jamais eu ma dédie à tous les jeunes sapeurs-pompiers de Florensac, c'est dans le 34, et à ma famille, c'est Maxoulu 34, bien sûr, avec plaisir. Andrea qui dit comment on fait pour avoir un message de bienvenue? Bah suffit de demander, en plus on est tout nouveau là. T'as envie de te faire enculer? Hein, voilà, ils sont là, tiens. Il y a Mathilde, mort de rire, mais non, ils savent plus quoi inventer avec le string. Et Anaïs aussi, pété de rire, mais où va le monde avec ce string? Ah bah, je confirme, hein. C'est-à-dire que là, le monde, il part, je sais pas où. Là. Axel est avec nous de Toulouse, là. Ça va, Axel? Ouais, ça va, et toi, Mika? Bah ouais, tranquille, dis-moi. T'as envie de te faire enculer? Ouais, non, pas tout de suite, en fait. Ah, dommage. Écoute, pas tout de suite, pas, hein, pas il n'est pas fermé. D'accord. Mais putain, laisse-moi enculer, allez, je l'ai entendu, je me suis tapé des barres. Sans déconner, le mec il était complètement barré. Non. Enfin. Ah ouais. Bon, bah alors Axel, toi tu voulais réagir par rapport à ce magnifique string. Le string, qu'on appelle ça, le string latéral. Oui. Voilà. Ouais, j'ai mis la photo. Photo sur le Facebook et le Twitter pour ceux qui veulent vraiment voir à quoi ça ressemble. Je vais encore une fois essayer de le répéter. C'est un peu comme un string normal. Donc ça couvre la bite et bon, quasiment rien du cul, bien sûr. Sauf que, en fait, ce n'est attaché que d'un seul côté. Donc c'est comme si vous aviez que le fil qui va de la bite à l'arrêt des fesses qui ne part que d'un côté. Je ne sais pas comment ça tient, mais ça tient. Donc allez voir si vous voulez avoir une meilleure vue, hein. Et donc Toff avait téléphoné pour demander si la personne là, qu'on avait appelée mettait ça. T'as envie de te faire enculer? Et il était plutôt fermé à la discussion. Et toi, tu connais Axel? T'as déjà mis? Tu connais des gens qui ont mis? Ouais, non, pour mon anniversaire, j'ai eu un string, ouais, mais avec une trompette d'éléphant, c'était très mignon. Oh, bah la célèbre trompette d'éléphant, évidemment, ouais. Mais bon, c'était pas... J'aurais préféré quand même avoir le string latéral, franchement. Ah, t'es sûr? Mais t'as vu à quoi ça ressemble? Ouais, c'est un peu dégueulasse, je suis au courant. Surtout ridicule. Ouais, c'est surtout ridicule, j'aimerais pas porter ça... Avec ma femme à côté, tu vois. Oui, non, avec ta femme, non. Mais sur la photo que j'ai mise, vous allez voir, c'est deux mecs quand même. Qui heureusement, ils sont, je vais pas dire beaux gosses, mais ils sont, enfin ouais, si. Ils voilà, sont hétéro curieux. Oh, non, mais ils sont bien. Ouais, voilà, ils sont bien taillés, quoi. Petite tablette de chocolat, le petit atout, etc., etc. C'est vrai que si t'aurais mis un petit gros à la place, ça l'aurait pas fait, tu vois. Ben exactement, tu vois. Bah, par exemple, on va essayer d'en commander, on va mettre Toff, et vous allez voir. Bah ce serait magnifique. Allez, mets ton toff. Bah oui, vous allez voir à quoi ça va ressembler, ça va être génial. Tiens, j'embrasse également un auditeur qui a envoyé un SMS au 6422 qui dit sale enculé de Mickaël, je te bute, sale bâtard. Ah ouais. C'est très gentil, ce message me touche énormément, vraiment. C'est adorable. Ah bah oui. Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Voilà, écoute, vraiment gentil, hein. Bah vous voyez, vos messages on les lit, hein. Hein, vous mettez Mickaël et vous mettez votre message au 64900 ou par Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun, tout simplement. Bon bref, attends, ouais, dis-moi Alex, Axel, pardon. Que je peux te demander quelque chose, là j'ai des potes qui sont en train de m'écouter sur la radio, là je peux passer une petite dédie ou pas? T'as envie de te faire enculer? Ouais, vas-y. Mais putain, ouais. Laisse-moi enculer, allez, merde. Ah, allez, j'ai pas le choix. Allez, bah vas-y, alors pour tous les potes, là, il y en a combien? Et pas 10 000, hein, c'est exceptionnel, non, d'habitude, il y a que les doux qui peuvent faire plusieurs messages. Ouais, non, ils sont pas beaucoup. Il y a mon meilleur ami, Mathieu Mansara, il y a un collègue à moi, Adrien, qui est pas très loin de chez moi. Il y a, comment il s'appelle, Angèle, il y a Alexis, bon, il y en a, et j'en passe des tonnes. Et t'en passes des tonnes, et ben tous ces tonnes-là. Moi, je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, je vais te chier la bite, je vais te faire une grande faciale. Voilà, et ben voilà, on les embrasse tous en tout cas. Ben, merci Axel d'avoir appelé Fun. Et tu reviens quand tu veux. Salut, okay, ciao. Pas de soucis. À bientôt, salut, Axel, ciao. À Toulouse. Il y aura Sarah dans quelques instants. Il y aura Ulrich, également. Mais avant de les accueillir, eh bien, nous allons parler des teubés de la télé. Ah. Teubés de la télé. Et c'est la Coupe du Monde Eh oui. Eh oui, parce que là, ils sont peut-être pas encore au courant. Et bon, pour connaître le gagnant de chaque match, eh bien, j'ai une solution. Dans ce bar du centre-ville, les drapeaux tricolores sont de sortie. Mais aujourd'hui, tout le monde attend le pronostic de la star du bistrot. Ribéry l'escargot. Donc on met Ribéry au milieu. Et puis on attend de voir un peu quel camp il va choisir. Ça peut être très long, mais on attend le résultat, on verra bien. Sur le premier match, il nous avait donné le Brésil et le Brésil a gagné. 30 minutes plus tard, Ribéry l'escargot finit par manger la salade côté France. Eh oui, la France, devinez quoi, Gagné. Bon, et du coup, le confessions intime, on a encore un couple de champions du monde. Alors écoutez bien de qui la meuf veut être le sosie quand même. Hein. Je te dis que tu ne t'investis pas assez dans ma passion. Moi, je voudrais que tu t'investisses plus. J'ai dit, moi, je veux devenir le sosie officiel de Barbie. Je mets tout en œuvre pour y arriver. J'ai ses traits régimes, je fais du sport, je fais tout un tas de choses. Toi, à part me suivre, je te trouve très passif, tu fais rien. Ah oui, alors qu'il pourrait ressembler à Ken. Tu vois, Barbie et Ken, la meuf veut ressembler à Barbie, c'est quand même un truc de ouf. Non, mais le pire, c'est que elle dit à son mec, mais tu fais rien. Bah non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas envie de ressembler à Barbie, moi. C'est clair. Et puis, toujours dans Confessions Intimes, c'est quand même mon émission préférée, faut le dire. Il y a le mode d'emploi pour faire une bonne petite annonce. Qu'est-ce que t'en penserais si on passerait une petite annonce? Homme, 40 ans, grand cœur, a beaucoup d'amour à donner. Recherche compagne. Ça fait plutôt caniche, donne caniche pour bon soin, quoi. Voilà, je suis pas un caniche jusqu'à aujourd'hui. Non. Ah oui, il est pas caniche, hein, on l'a bien remarqué jusqu'à d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Tiens, il y a Damien qui dit Mickaël, j'attends le gainage avec impatience. Ah bah nous pas. Oh, hein, je peux t'annoncer qu'on n'attend pas du tout ce putain de gainage avec impatience. Mais on va le faire, le gainage, hein, puisqu'on le fait depuis 3 semaines et on terminera en toute beauté à Marseille ce soir. Donc on a fait 150 secondes hier, on fait encore 150 ce soir. Et encore ce soir, il faut prévoir des petits coussins ou des planches parce que moi je vais pas mettre mes coudes sur moi, le trottoir. Moi ça va, j'ai pas mon coude. Mais sur le sol. À Marseille, ah, tu parles. Ouais, ah oui, bah bien sûr. En plus, avec toute la saleté qu'il y a là-bas. Bah oui, bah Damien, ça va arriver. Il y a un autre Damien qui dit autant se balader à poil que de porter ce string de merde. Il y a Jian aussi. Mickaël, tu peux demander à Toff s'il peut se faire enculer. Bah oui, Toff. Oui. T'as envie de te faire enculer? Pas ce soir. Non? Non, j'ai la diarrhée. Mais que... putain, laisse-toi enculer, allez, merde. Bah ça va être crado. Hein. Allez, fais-moi moi ton cul. Ouais, bah, enfin bon, il veut pas. Je suis en stress depuis 18h car mon conseil de classe est passé et j'ai peur de ne pas passer en 3ème, mais avec vous j'oublie vite. Ah bah écoute, tu nous as pas dit du coup si t'as passé ou si t'as pas passé là. Et Jennifer qui dit faut que je prenne ça car se balade trop la mienne. Il faut qu'il prenne ça parce que ça que se balade trop. Ah, le string sur le côté, d'accord. Ma boisson préférée, c'est le mélange de sirop kiwi et banane, c'est Elise, qu'on a eu tout à l'heure. Mélanie également, qui dit mort de rire, c'est quoi ce truc là avec la pelle? Moi, c'est l'orgasme. Vodka, grenadine et limonade, c'est Lucas de 65, c'est pas mal ça. Et Jeanne-Françoise qui dit, moi, c'est le thé, je peux en boire 3 litres sans m'en rendre compte. Et pour l'alcool, la clairette, c'est sympa également. Et alors, on fait également sur le Twitter qui dit, Mickaël, un bon petit verre de tariquet, un bon vin blanc fruité. C'est le top. Et Max Radio No Limit qui dit ma boisson préférée, c'est le sperme. Grande classe. Merci en tout cas pour ton message. Amaury aussi, ma boisson préférée, c'est l'ice tea et le 7-Up. Et le Doumou qui dit le Candy Up car je suis hindou. J'attends First of the Year d'Equinox de Skrillex. Oui, j'ai toujours pas en fait. Il faut que je retrouve. Il faut que j'aille demander à la prog. Et Samuel Urbain qui dit aussi Havana Coca. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'occuper mes soirées avec grand plaisir. Bon, continuez à balancer vos messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. Avec les SMS, vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et puis on a également Ulrich avec nous maintenant de Saint-Gaudens dans l'Haute-Garonne. Salut Ulrich. Salut Mickaël. Oh, t'es hindou toi? Ah ouais? Ouais. Bah qu'est-ce que tu fais de vous encore à cette heure-ci? Mais j'attendais. Ah, t'attendais? Il attendait. Et bah voilà, c'est une bonne raison de rester avec nous. Du coup, justement, tiens Ulrich, tu nous appelles pourquoi? Mais pour devenir doux officiel. Ah, tu veux devenir doux officiel? Un nouveau membre du club élite de la douceur. Tu sais comment ça se passe? Ouais. Je te passe Polo. Je rappelle que les 12 sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Ulrich! Oui. Réponds! C'est un nom à consonance allemande. J'aimerais que tu changes. On va t'appeler Roger ce soir. Ulrich, j'ai une petite dent contre les Allemands ce soir, mais ça va passer. Hein, mais... En ton âme et conscience, tu veux rentrer dans la grande confrérie de l'armée des 12? Oui. Moi qui suis le grand maître et le grand général de l'armée des 12, je peux accéder à ta demande. Ulrich, mets-toi à genoux. C'est fait. Insulte-toi! J'ai la gueule de taupe, je ressemble même pas. Je suis un bâtard, je suis un cul, je suis une... C'est parfait. C'est... Ça suffit pas. C'est là, pas non, bah, insulte pas ta mère, il est con, c'est doux. Ulrich, est-ce que tu as ton téléphone portable dans la main droite? Oui. Assaisonne-toi de coups sur la tête. Stop, ça suffit. Quelle violence, Ulrich, calme-toi, calme-toi. Tu es adoubé, tu es un doux officiel, bravo. Et tu seras le doux... Le doux allemand. Le... voilà, tu seras le doux allemand. Voilà, car tu t'appelles Ulrich. Ulrich, voilà. Ulrich, ya. Ya, ya, ya, ya, ya. C'est pas Ulrich, c'est pas Ulrich. C'est quoi? C'est Ulrich. Ouais, Ulrich, ah, ouais, non, mais ouais, d'accord, c'est mais Ulrich. C'est pas un prénom français, c'est un prénom allemand, non? Ouais, c'est allemand, français, c'est bien. Oh là. Bon, on va t'appeler le doux bavarois. Ouais, ouais, c'est beau, ouais, ouais, le bavarois. Voilà, le doux bavarois. N'oublie pas de changer ton pseudo sur le Facebook, Twitter et Instagram si tu as, hein, d'accord? J'ai pas Twitter et Instagram, j'ai juste Facebook. Eh ben sur Facebook, tu t'appelleras le doux bavarois. Et si on te demande d'où ça vient, tu diras que ça vient de fun. Et n'oublie pas d'ailleurs aussi qu'en tant que doux officiel, tu as la lourde charge, ouais, sur tes épaules de prévenir tous tes amis que dorénavant, ils ne devront plus se faire chier à écouter des émissions de, ouais, merde sur d'autres radios. Ils peuvent venir sur Fun Radio car on accueille tout le monde. Qu'ils soient doux, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, on s'en fout. On prend tout le monde. Nous, on fait pas de détails. D'accord, ouais, le doux bavarois. Ouais. Oh, il a rien suivi. Oh là là, il a rien suivi, ce. Qu'est-ce que je viens de dire, le doux bavarois? Tu vas faire les patates dans l'armée. J'ai ramené, hein. Si, j'ai ramené toute ma tasse déjà. Ah, très bien. Mais ramène tout le bahut. Ouais, ça, j'vais essayer. Ouais, tant qu'il y aura des mecs dans ton bahut qui écoutent une autre radio, ça sera ta mission. Tu dois évangéliser toute la. Voilà, mec, t'es doux bavarois ou t'es pas doux bavarois? C'est à la classe quand même, le doux bavarois. Bah donc t'es. Non, bavarois, pas baravois. Doux bavarois. Voilà, bon, allez. Le doux bavarois, passe une bonne nuit. Oui, bien sûr qu'on va te filer un pack fun avec plaisir. Tu retournes chez Sandro, standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Ok. Salut à toi, le doux bavarois, à bientôt. Ciao. Ciao. Et on l'avait demandé tout à l'heure, on va s'écouter dans quelques minutes le son de Dioro, tiens, avec Five Hours. Eh, le doux bavarois. Ouais. T'as envie d'écouter un son ce soir? Ouais. Tu veux quoi? Sur ma route de Dakem. Tu veux quoi? Sur ma route. Sur ma route, ah, sur ma route de Black M. Ah bah il va être content Hugo, il va encore me dire hey, pourquoi tu mets Black M, c'est de la merde. T'as bien vu que c'est quelqu'un qui demande, c'est un auditeur qui demande, hein. Chien d'Hugo va. Bon attends, je vais te le mettre, je vais te le mettre, il va arriver. Et puis aussi David Guetta avec Blast Off. Tu connais celui-là? Ouais, il est bien sûr. Ah, il est bien, bon on va se le mettre après, tiens. David Guetta donc avec Blast Off. Salut le doux bavarois. Ciao. Allez, ciao à toi, doux bavarois. Bon allez, 1h07 sur Fun Radio. Il y a le gainage qui va arriver dans quelques minutes et Dieu sait que j'ai pas envie. Et je suis tombé sur deux infos assez sympas. Alors la première, c'est un Chinois qui s'est retrouvé à l'hôpital. Bon, vous allez me dire, jusque-là, il n'y a pas vraiment de quoi rigoler. Sauf que le Chinois avait la bite dans un tuyau. Il y a des hôpitaux en Chine. Ouais, bah oui. Et quand il est arrivé, il expliquait au docteur qu'il peignait nu et qu'il a glissé. Heureusement, il a été libéré sans trop de soucis, hein, quand même. Et alors au Canada, il y a un mec qui se blesse en faisant l'amour à sa femme. Il va à l'hôpital où il se fait opérer, mais il perd 2,5 cm de sa bite et il n'a plus pu faire l'amour pendant 2 ans. Du coup, sa femme s'est barrée. Oh, merde. Voilà. Donc venez nous dire si vous avez déjà eu des accidents pendant que vous faisiez l'amour, des petits accidents, genre vous êtes fait mal à la bite, vous avez fait mal à votre copine parce que vous aviez comme hier, on en a parlé, un trop gros sexe et du coup, enfin trop long plutôt. Du coup, ça a fait mal à votre copine. Ou alors ce qui peut arriver de pire, c'est que votre copine est au-dessus de vous. Et que quand elle monte et qu'elle descend, elle monte et qu'elle descend, et puis là, la catastrophe, elle rate, ouais, son coup, aïe, et clac, ça fait mal. Voilà, donc dites-nous si ça vous est déjà arrivé. Et Mickaël, suivi de votre message, envoyez au 64-900, ou alors appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Kevin qui dit, ça fait 3 mois que j'écoute et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue, c'est pas vrai. T'as envie de te faire enculer? Hein, voilà Kevin, Dylan aussi, Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue avant d'aller dormir. Plein de courage à vous et bon voyage à Marseille l'équipe, love, merci Dylan. Mais que... putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Mais... allez, fais voir moi ton cul. Voilà, et là, ce qui dit la boisson que j'ai bien, que j'aime bien aussi, c'est le Malibu Coca. Bah Malibu Coco plus Coca. Ah bien sûr, j'adore aussi, comme ça on s'est bien trouvé, tiens. Allez, on s'écoute Deoro maintenant, on l'avait demandé tout à l'heure, c'est le doux qui l'avait demandé au début d'émission là. Deoro maintenant, 5 hours. Il est 1h09 sur Fun, il y a le gainage qui arrive dans quelques minutes. Et puis bah vous en direct, hein, on est là jusqu'à 2h du mat, tout simplement, tous les soirs. Prévenez vos potes, il y a enfin un truc à écouter. C'est sur Fun Radio que ça se passe, 23-2h sur Fun. Le son de Dioro, c'est 5 Hours sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec quelques minutes. C'est le doux bavarois qui l'a demandé. Hein. Le son de Black M qu'on mettra avec Sur ma route. Et puis je vous calerai aussi comme promis David Guetta, Blast Off. Voilà, tout ça, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc vous restez bien avec nous. Il est 1h13. On suit toujours le match hein. Ghana-USA, c'est toujours 1-0 pour les États-Unis. But à la première minute par Dempsey. Et depuis, il se passe plus grand chose. Bon, on vous tient au courant de toute façon. Il y a Valo qui dit, puisque je vous demandais si vous avez déjà eu des accidents quand vous étiez en train de faire l'amour. Genre par exemple, votre copine est sur vous et quand elle fait le va-et-vient, et ben clac, ça fait mal, ça casse. Enfin, ça casse, ça peut casser notre, hein, mais bon, ça vous fait mal quoi. Et donc, du coup, appelez-nous si vous avez déjà eu des petits accidents ou des gros accidents. Hein. Appelez-nous au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes avec Alexandre. Et Valo qui dit avec Alex, on était en pleine action et il a le frein du pénis qui s'est rompu. On a dû aller aux urgences et j'ai eu mal pour lui. Bah, il paraît, ça m'est jamais arrivé, mais il paraît que ça fait pas très mal, c'est juste que ça pisse le sang. Ah, c'est un truc de dingue. Mais moi, j'en ai pas. Mais moi, ça fait mal, ça fait mal ou pas? Ah, je sais pas. Non, ça fait pas super. En fait, ça fait pas super mal. C'est impressionnant parce que t'as du sang partout. Ça gicle. Ouais, ça gicle. Et puis t'en as. Enfin, moi, j'étais en train de me branler, donc j'en avais plein les mains, plein les doigts. J'en ai mis partout sur mon bureau. Enfin, c'était une catastrophe. Oh, hey, la mère de teuf qui a essayé. Elle était rentrée là juste après. Tu sais, par hasard, elle aurait cru qu'il a essayé de se suicider. Ah ouais, c'est ça. Non mais Christophe a tenté de se suicider. Ma mère, elle aurait pu croire n'importe quoi. Il y avait du sang partout. J'ai mis, allez, facile, ouais, 10 minutes à tout éponger, quoi. Oh là là là là, mais c'est horrible, quoi. Ouais. Oh, c'est rien, c'est 3 gouttes là. Non, c'est 3 gouttes. Et par contre, après, t'sais, j'osais plus décaloter parce que forcément, ça pourrit. Non, ça cicatrise, mais t'sais, quand tu décalotes, ça redécicatrise tout de suite, quoi. Ah ouais. Ah oui, bah ça prend la branlette. Ça prend combien de temps à fermer tout ça? Bah moi, ça a pris, je sais pas, genre. Ouais, une bonne semaine, 10 jours quoi. Putain. Ah, une semaine sans branlette. Tiens, bac français, mercredi, petit message de soutien pour moi et tous les autres, évidemment. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, et puis le maître qui dit salut la famille, comment ça va? Bon, Mika qui aime bien châtier bien, pourquoi un portugais n'aime plus rouler en vie? Carrière 4-0, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, c'est The Capitaine Wasabi qui dit ma boisson préférée c'est Monster Energy, dédicace à Didi Chandouidoui. Et puis Amélie qui dit bonsoir, moi c'est le Sprite, Aliénor aussi, Coca Chéri ou Orangina. Et pour ceux qui connaissent le Soumol, une boisson portugaise, donc si la famille, évidemment, c'est hyper sucré, mais moi j'aime bien, c'est très bon. Et d'ailleurs une auditrice qui m'avait ramené du Soumol, là j'ai terminé, hein, c'est bon, j'ai fini. Ah ça y est, il y en a plus. Ah oui, il reste ananas encore, hein, mais ça j'aime moins, je préfère la version orange. Et alors Maxime qui dit accident sexuel, je suis passé d'un trou à l'autre sans faire exprès, d'un coup sec de rein, jamais. Elle avait crié comme ça. Maxime, je m'excuse, mais je ne te crois pas. Ben non. Je ne peux pas imaginer que un mec se trompe de trou. Non, il a envie d'y aller. Non. Et voilà, et sa fille, sa copine veut pas, ou voilà, la fille veut pas, ben ou ouais. Il n'ose pas demander. Mais tu peux pas te tromper trop. Mais tu peux pas rentrer dans le trou de balle comme ça sans prévenir, sans travailler le truc. Oui, non, c'est ça. Mais sauf si tu vas d'un bon coup sec, moi je pense que. Mais non, mais Tof, pas d'un bon coup sec. Oh, t'imagines l'erreur? T'es là comme ça, paf! Tu sais, il y a un moment, même d'un coup sec, si tu vas normalement, ça si tu niques normalement, trou. Tu vas pas comme un bourrin normalement. Enfin, tu peux pas te tromper trop. Je me suis désolé, moi, je peux pas concevoir qu'on se trompe de trop. Moi, je connais un pote à qui c'est arrivé parce qu'il baisait dans le noir avec une meuf entre deux portes. Et je peux t'assurer qu'il avait pas du tout envie de la lui mettre dans le cul. Parce que du coup, quand il lui a mis dans le cul, tout le monde l'a entendu. Et donc voilà, donc il l'a pas fait exprès. Et ouais. Par contre, après, la meuf, c'est-à-dire qu'il a pas pu la baiser pendant 15 jours. Sans déconner, dites-vous les filles, ça vous est déjà arrivé, tiens, est-ce que votre mec s'est soi-disant déjà trompé de trou? 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis vous pouvez aussi envoyer tous vos messages hein, avec le MIKL en début de message, puis vous mettez votre message, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Bon, accident sexuel, on va en parler maintenant puisque il y a Amandine avec nous de Poitiers. Salut Amandine. Salut Mickaël. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, et appelez-nous aussi, on va faire le gainage dans quelques minutes. Ce serait bien si les auditeurs s'ils peuvent faire le gainage avec nous là pour nous soutenir un peu, ce serait cool. Elle a la voix d'une semi-cochonne, elle. Oui. Je sais pas. Tout à fait. Ah, c'est ça. Ah, bah voilà, très bien. Si je puis me permettre, je vais vérifier personnellement. Combien mesures-tu? 1m57. Combien pèses-tu? 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 105B. Ah oui. Ah oui. Oh putain, B comme grosse bite. Non, D comme Denise. B comme Denise. Oh putain, mais ah c'est oui, un truc Denise, je veux une photo là pour mes études. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Non, elle est pas mal. 6 ma bite. Oh merde, pardon, je me suis gouré avec plaisir. Si je me suis gouré de son. Avec plaisir, Amandine. C'est un peu loin à Poitiers, mais je peux faire qu'est-ce des efforts. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà, bon, on l'a chanté pour toi, mais t'inquiète pas, on le pense quand même. Bon, Amandine, est-ce que t'as déjà eu des petits accidents sexuels avec des copains, un de tes copains, je sais pas. Oh oui. Alors, explique. C'était avec un de mes ex, pendant une fellation, il m'a touché la tête, j'ai horreur de ça, et j'ai eu un petit accident technique, je l'ai mordu à sang. Waouh, ah, c'est bon ça. Ah, j'ai cru que t'allais dire que tu lui avais gerbé dessus, mais non, ça va, c'est moins grave. Ah, non, mordu à sang. Mais à sang, genre, la bite, elle, t'avais le bout du gland qui pendait tout seul, ou ça allait encore? Non, ça allait encore, ah, quand même. Putain. Ah, putain, mais... laisse tomber, quoi. Mais comment ça, il m'a touché la tête et j'aime pas ça, du coup, je l'ai mordu? Bah voilà, j'ai une petite bouche, hein, voilà, je le dis comme ça. Le problème c'est que quand j'ai un truc au fond de la gorge, j'ai un système, c'est que je mords en fait. C'est voilà. Automatique. Alors qu'il aurait pu préférer la branlette espagnole. Putain, avec un truc comme ça. Mais je lui ai dit, s'il y avait d'autres choses de mieux, hein, mais il a pas voulu. Quel con pas. Alors celui-là. Nous on adore ça, la branlette espagnole. Ah oui, bah ah, il est con, il est con. Hein. Oh, peut-être qu'il a jamais essayé, ou alors il a essayé qu'une meuf qui savait pas faire. Parce que tu sais, si la meuf elle fait rien, si tu mets ta bite au milieu de deux seins, si tu veux, s'il se passe rien, que la meuf elle s'en branle, qu'elle sait pas, qu'elle veut pas, effectivement c'est naze. On est d'accord. Tout à fait. Bah oui, non, bah c'est clair. Mais voilà, tiens, il y a Laura qui dit, moi je faisais rapport sexuel avec mon mari, je me suis cassé mon doigt. Bah merde, mais t'as fait comment Laura? Appelle-nous 01 42 48 5000 pour qu'on en parle, tiens. Et Gink aussi qui dit, ou Jinka, je peux t'assurer Mickaël que tu peux te tromper de trou quand tu y vas comme un sauvage, des fois ça dérape. Franchement, j'ai du mal à croire. Non, mais si, mais c'est parce que tu t'y vas jamais comme un bourrin, mais il y a des gens, ils font ça, tu sais, dans le noir, dans des endroits, tu vois, pas toujours fait pour ça, et voilà, tu peux glisser selon la position où t'es. Surtout, tu sais, quand t'es derrière la meuf, quand t'es la meuf, elle est debout, et toi, t'es derrière, et franchement, il y a moyen. Mais le trou de balle est serré. À moins que le trou mais de balle soit ça, mais c'est toujours ouvert. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que si t'y vas d'un coup sec, bah, ça, de toute façon, ça passe. Ouais, bon bah écoute, pourquoi pas, je sais pas, attends, on va prendre David qui est avec nous dans Goulême. Salut David. Tiens, profites-en pendant que t'es plus là de faire une photo pour le. Et m'envoyer à polo@funradio.fr du 105D. Donc, David, fais des photos de tes abdos, t'envoies à polo@funradio.fr, hein, il kiffe, il adore. Eh David. Ouais. Attends, d'abord, Amandine. Oui. T'as envie de te faire enculer? Ah oui. Très bien. Et toi David? T'as envie de te faire enculer? Oh, mais non, putain, laisse-toi enculer, allez, merde. J'avoue qu'il était terrible ce gars-là, faut le faire. Ah, il était mais complètement. Mais on va le rappeler de temps en temps, lui, on va garder son numéro de téléphone dans les bests, hein, je pense. Bon, alors, David, toi, tu voulais réagir aux accidents sexuels, t'en as déjà vécu, t'en as déjà eu, t'en as déjà fait, dis-moi tout. Ouais, j'en ai déjà fait, ouais, il était terrible en plus. Ah, bah raconte. En fait, j'étais avec ma copine, en fait, et puis, donc, on était en train de faire l'amour, et en fait elle était sur le ventre et moi j'étais derrière, et en fait j'étais un peu, au bout d'un moment j'étais un peu comme un bourrin en fait, et puis ça a ripé et c'est parti en sodomie. Mais oh. Comment ça c'est parti en sodomie? Oh c'était bien ou oh c'était dramatique, tu t'es fait casser la tête, etc, etc. Ouais, je me suis fait casser la tête parce que déjà elle a eu super mal parce que, mais oui, elle n'est pas préparée, c'est normal. Et donc j'en avais déjà demandé une, elle m'avait dit non. Donc en plus là je me suis fait casser la tête. Ouais. Et oui, parce que là en plus quand tu demandes à ta copine, oh écoute, est-ce qu'éventuellement par l'autre petit chemin, et qu'elle te dit non et que après je me suis trompé, elle va dire fous-toi de ma gueule seulement, ouais. Le pire c'est que je lui ai dit ça, je lui ai dit excuse, j'ai pas fait exprès et tout. Puis, mais oui, bah bien sûr. Non mais c'est surtout qu'en plus là c'est con parce que si tu l'as fait exprès, je sais pas, hein, mais si tu l'as fait exprès, c'est vraiment le meilleur moyen pour qu'elle veuille plus le faire. Parce que là, à mon avis, il a dû avoir mal, forcément, parce que c'est pas préparé. Hein. Puisque je rappelle que pour faire une bonne sodomie, il faut préparer un anal. Voilà, ouais, conseil de Rocco. Ouais. De Rocco Siffredi, il faut préparer lui-même un anal. Pour exactement. Et pour le fist, pour bien fister quelqu'un, il faut avoir été fisté. Avant, oui, sinon c'est pas possible. C'est impératif. C'est ça, c'est les citations du jour. Il y a des règles comme ça qui sont immuables, qu'on ne peut pas changer. Tout à fait. Bon, bref. Et Amandine. Oui. Ta première sodomie, toi, c'était comment? C'était préparé ou c'était où le mec il a fait genre je me suis trompé, t'as eu un mal de chien? Il s'est trompé, j'ai eu un mal de chien. D'ailleurs, c'est enfin, j'ai eu un mal de chienne plutôt. Non. Ah oui. Ça fait très mal. Tu envoies une photo là, Amandine, qu'on voit tout ça là. Oui, vas-y David, hein, tu peux faire à polo@funradio.fr. Vous lui envoyez vos abdos, vous lui envoyez votre bite, vous lui envoyez votre cul. Je suis à l'université en ce moment et je passe un examen. Exactement, des plus beaux abdos masculins. Donc n'hésitez pas. Bon, et donc Amandine, donc, mais si t'as eu super mal, pourquoi t'as eu envie de recommencer? Ben, une expérience ne peut toujours être faite si elle est bien faite. Oui, non, bah bien sûr, mais après, tu sais, quand t'as un souvenir comme ça, négatif, un truc que t'as vécu qui était pas bien, après, t'as peut-être pas forcément envie de refaire, de recommencer. Après, c'est bien, tant mieux, hein, tu l'as fait, tant mieux, c'est bien. Ah, mais faut jamais repartir sur de mauvaises bases. Oui, mais je suis d'accord avec ça, toi. C'est comme quand tu tombes de cheval, il faut remonter dessus. Voilà, ou quand jamais réussi à monter dessus, mais bon. Oui, mais c'est un autre problème. Tiens, il y a Arnaud U13 qui dit, ma copine m'a fait une gorge profonde et j'ai touché sa glotte. Elle a presque dégueulé sur ma queue. Ah oui, c'est pas mal. Il y a Romain qui dit, il y a un couple de londoniens qui a baisé sur le balcon, ils sont tombés et ils sont morts. Ouais. Non, c'est ouais, vrai ça. Ouais. Putain, quelle violence. Il y a récemment là. Hein. Bon, ouais, moi, ils sont morts en niquant, hein. Faut voir le côté positif de la chose. Il y a les voisins qui disaient qu'ils faisaient ça souvent et qu'au bout d'un moment, c'était sûr que ça allait arriver, quoi. Ah bah oui, Maxime aussi, LM en général, c'était pas fait exprès. Et alors, Alika aussi, un accident en faisant l'amour, je suis tombé du lit, ça mérite un bon coup de pelle. Non, ouais, ah bah Alika, effectivement, là, pas terrible, hein. Je vais d'ailleurs te mettre. Merde, un coup de pelle, voilà, c'est ça. Et ben Alika, elle est où Toff là, tu me dis? Non, c'est Maxime avec son problème de sodomie. Ah oui, d'accord, ok, mais très il bien. Est avec il est avec Sandro. Oui, il est avec Sandro, ils sont en train de parler sodomie au standard, on va pas se voir. Bon, bah du coup, reste avec nous. Merci David, merci Amandine d'être passée. Vous revenez quand vous voulez, hein, tous les deux. Y'a pas de soucis. Et qu'est-ce que je voulais dire, vous pouvez faire un petit top tweet là? Un point top tweet, oui, bien c'est vrai, sûr. On n'a pas encore fait. Je rappelle qu'on offrira un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr à celui ou celle qui aura le plus tweeté avec le hashtag Mickaël sur Fun entre 23h et 2h. Et actuellement, on fera le total à 2h, hein, mais en attendant, actuellement, donc qui est numéro 5 Enix. Ouais. Enfin, voilà, DJ Boost. Ah, c'est toi, David? Ouais. Ah bah voilà, t'es numéro 5. Hein. Magne-toi encore, hein. Il reste 35 minutes là, pour avancer. En numéro 4. Mr. Steven. Numéro 3. Nadia Le Prince. Numéro 2. Vladimir Poutine. Et numéro 1. Justine. Et ben voilà. Bon ben voilà David, hein, il te reste 35 minutes pour monter. Hein. Ça marche. Et qu'est-ce que je veux dire? Je peux gérer un Paxson? Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse tout de suite, sans problème. Moi aussi, okay. Je prends la voix. Bien sûr, Amandine, il n'y a pas de problème. On va même te mettre un petit sextoy gratuit, tiens, offert par passagedudésir.fr. Voilà, ah, tu pourras. Trop cool, et tu pourras te faire plaisir en pensant à moi, Amandine. Y'a pas de soucis. Bon, salut Amandine, gros bisous à toi, ciao. Bonne soirée. Salut à vous. Y'a le gainage qui arrive là. Ouais. Trop bien. Ça va débarquer là. Le mec qui est content sur putain non, de gainage. Non, pas du tout. Il y aura les appels malveillants également là, juste après le son de Black M qu'on écoute maintenant, que je dédicace à Hugo. Voilà, ah bah même, oui, si c'est, même si c'est le doux bavarois qu'il avait choisi, c'est pour Hugo que je le mets, hein, qui m'envoie souvent des mails, hein, il adore tellement Black M, je lui mets maintenant c'est pour toi ma gueule, c'est sur ma route, sur Fun Radio, bonne nuit tout le monde. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés, car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct avec un message de Rock'n'Wolf sur le Twitter. Ma boisson préférée, c'est le jus de chaussettes de Toff. Oh, quelle horreur. Alors, c'est trop bon. Ouais, c'est ça. Faust aussi qui dit 7 Up Saveur Chéri ou Morito le Bonheur. Je voudrais appeler mon premier enfant, Joshua. Comment trouvez-vous ce prénom? Merci. Bon, pourquoi pas. Bah, Joshua. Ouais. Non, ouais. C'est pas mal. Mort de rire, vous m'avez tué avec la blague de l'allemand au bar, là. Ouais, bah, c'était super drôle. Laura qui dit, moi, c'est Coca, la boisson préférée. Pas le... la non. Los qui dit, le Monster Red Bull, la base, évidemment. Benjamin qui dit, je suis crevé, mais je vous écoute quand même. C'est bien Benji, c'est gentil, ça fait plaisir. Et Mr. Steven qui dit, moi, Coca Chéri ou Oasis Tropical ou encore Arnaud du 13. Ma boisson préférée, c'est l'Ice Tea. Il y a Thibaut aussi. Moi, c'est le Rhum Coca. Jus de pamplemousse orange Coca pour Andreas. C'est alors Can Vante qui dit, moi aussi, je kiffe la Contrex, Mickaël. C'est aussi pour le goût. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est pas forcément pour un régime ou quoi que ce soit, parce que voilà, moi j'aime bien le goût, c'est pour ça que j'en bois. Bon, avant de prendre Maxime, Emeline, Dominique pour les petits accidents au niveau du sexe, bien sûr, il y a Sarah avec nous. Salut Sarah. Salut Mickaël. Salut Sarah, comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Mais très bien, qu'est-ce qui t'amène ma belle Sarah? Bah rien, je voulais un petit message de bienvenue, discuter un petit peu. Ah, tu veux un message de bienvenue? Alors oui. attends, tu vas être servi, tiens. Alors attends. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Bah voilà. Bon bah allez, c'est parti. Bon, sinon Sarah? Oui. T'as envie de te faire enculer? Oui, bah oui. Ah, cool, merde, il faut dire non, parce que sinon j'ai ma chute qui tombe. Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Voilà. Non, y a pas de soucis, allez. Bon, Sarah, envoie ta photo à Polo à Fun Radio. Non. Je rappelle que Polo ne cherche que les abdos de mecs que vous pouvez lui envoyer sur polo@funradio.fr. Il a déjà reçu quelques-unes d'ailleurs des photos, hein. Ouais, mais arrêtez d'envoyer ces merdes, j'en veux pas. Voilà, des beaux mâles, il adore. Bon, et bah du coup. Dis-moi, Mickaël. Oui, Sarah. Dis-moi. Le string, tu l'aimes bien? Le quoi? Le string latéral, là où je suis. Mais pas ça va pas, non, mais quelle horreur. Parce qu'en fait, je t'ai fait un petit cadeau, je l'ai envoyé au studio. Ah bah génial, mais c'est pour taf parce qu'on devait lui en acheter un, donc c'est parfait. On va lui mettre nez parce que... Ouais, on va lui mettre au nez, tiens, on pour va essayer. Son gros pif. Ouais, c'est ça, le string latéral sur le nez, ouais, ça va être bien. Je l'essaierai avec plaisir. Grave. Non mais sérieux, t'aimes bien toi? Moi? Ouais. Bah putain, je vois quelqu'un à la plage avec ça, mais je me fous de sa gueule. Mais c'est clair, il est dégueulasse, c'est scandaleux. Non, mais... hein. Eh bien, je ferai le tour des plages avec. Écoute, quelle horreur. Tu prends une chaussette, tu mets un fil, je sais pas, tu prends une aiguille, tu prends un fil et tu te fais ça, je sais pas, ça revient en même. Bah presque, hein, presque. Eh, il faudrait absolument qu'il faudra absolument l'avoir pour Marseille. Bah écoute, ouais, bah, tu vas avec ça sur le vieux port, ouais. Et je pense qu'on peut faire fureur, hein. Je pense, ouais, non, bah je peux cartonner. Grave. Bon, Sarah. Oui. On va faire les appels malveillants avec Toff là, du coup là. Reste avec nous tant que t'es là. Oui, on va donc appeler. Alors malheureusement, je pense qu'on tombera difficilement sur aussi lourd que ça. T'as envie de te faire enculer? Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Mais... allez, fais voir moi ton cul. Voilà. Je pense qu'on. Franchement, je préfère pas vous vendre. Je crois que l'appel sera moins bon. Oui. Ou alors vraiment, c'est. Non, là, le mec, il a mis tellement la barre haute. Ah, la barre est haute, là. Oh, putain, la barre est haute. Bon, alors, du coup, on y va, on appelle. Puisque, bah, comme on était sur ce string latéral, la photo est sur le Facebook, allez la voir si vous le souhaitez. Pareil sur Twitter. On appelle des gens pour voir s'ils aiment bien les strings latérales. Hein, est-ce qu'ils mettraient ça? Oui. Enfin, qu'est-ce qu'ils aiment surtout? Oui, qu'est-ce qu'ils aiment, en grosso modo, c'est ça. Donc, on y va, c'est parti, on appelle. Bouge pas, Sarah. Hein. Ouais, pas de soucis. Et on fera le gainage juste après. Ouais. Trop bien. Cool. Bon, là, ça décroche pas déjà. Oui. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelais parce que je voulais savoir ce que vous aimiez porter comme sous-vêtement, madame. Pardon? Qu'est-ce que vous aimez porter comme sous-vêtement, madame? Ça vous regarde pas. Au revoir, monsieur. Mais non, madame. Allô? Allô? Non, elle est partie. Attends, on va le rappeler. En même temps, c'est vrai, ça te regarde pas dans l'absolu, hein. Dans l'absolu. Oh. Oui, allô? Oui, je m'excuse, monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. C'est moi, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ben, en fait, je voulais savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements, monsieur. Vous m'emmerdez, monsieur, au revoir. Ah non, monsieur, non. Allô? Non, vous m'emmerdez. Mais il a pas tort en même temps, il fait chier le monde, Sarah. Hein, ouais, un peu, oui. Bah, complètement. Attends, on va le rappeler encore une fois, le monsieur. Il avait l'air gentil. Et accueillant et tout, vraiment bien, quoi. Adorable. Ouais, c'est ça. Vous ne croyez pas que la plaisanterie a assez duré, monsieur? Bah, non, monsieur. Mais moi, je trouve, voyez-vous. Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais parce que c'est... Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme sous-vêtements? Bah, moi, je suis plutôt boxeur, monsieur, et vous? Mais moi, je suis à poil sur mon pantalon. Ah, vous ne portez rien? Rien. Ah, et vous mettriez, vous, le nouveau string latéral ou pas? Allez, au revoir. Ah bah non, monsieur, mais vous répondez jamais. Non, mais là, il a raccroché. Bah, tant pis, il n'a pas répondu. Ouais, encore un échec, c'est pas grave. Tant pis. Bon, bah, c'est rien. Bon, Sarah, tu restes avec nous pendant qu'on fait le gainage? Ouais, je reste avec vous. Bon, très bien. Il y a Damien aussi, en Saône-et-Loire. Salut, Damien. Salut Mickaël, ça va? Ah, je croyais que c'était le canulariste. Non, pas Damien le canulariste. Non, pas tous les soirs le canulariste. Hein. T'as envie de te faire enculer? Mais putain, laisse-toi enculer, allez, merde! Voilà. Bon, c'était un petit message de power, de puissance pour nous aider avec le gainage. Je croyais que t'avais oublié. Pas du tout. Allez, gainage donc. Damien, tu vas faire le gainage avec nous ou tu nous soutiens juste? Je vais faire les deux. Ah bah tant mieux, parfait. Et toi Sarah, donc toi tu vas rien foutre, tu vas juste me soutenir? Bah je sais pas, je vais voir. Bon le gainage tu sais comment on fait. Ça pour se faire enculer, il y a du monde mais après c'est ça. Bon je réexplique pour ceux qui débarquent. Depuis 3 semaines il y a un idiot qui a lancé un truc, le hashtag défi 30 jours sur internet. Et donc le principe c'est pendant 30 jours on fait le gainage tous les jours. Et le la fin du mois on est censé avoir le ventre plat. Oui. Bon, donc, je sais pas si on aura le ventre plat, mais au moins on pourra tenir 280 secondes. Oh, ça c'est pas sûr encore. Hein. Donc on est le but c'est simplement de se mettre comme si on faisait les pompes, sauf que à la place de mettre les bras en mode pompe, on les met simplement sur on se repose sur les avant-bras et sur le coude et il faut tenir comme ça sans bouger le plus droit possible pendant 20 secondes au début, 30 secondes, 45 secondes et ainsi de suite. Là depuis hier on est à 150. Ouais, c'est-à-dire rien quoi. Voilà, ce soir et demain on doit encore faire 150 et après on monte à 180. Oh putain sa mère là. 183 minutes. Oh là là. Bon, faisons déjà 3 minutes. Faisons déjà 150 secondes hein. Oui. Je crois que je viens de me blesser le doigt. Ouais, Polo est en train de se chauffer là, il... Je viens de me blesser le doigt hein. Oui, alors. Je pense que je suis forfait. Les doigts n'ont rien à voir là-dedans, les doigts ne servent à rien. Je suis forfait. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as vu comment il est forfait là, il abandonne. Ouais, je suis forfait. Il abandonne. Qu'est-ce qu'il y a Damien? Il y a un conseil pour Polo et Toff. Ouais. Polo, faut qu'il descende son cul parce qu'il est trop voûté. Ah, Polo, tu vas descendre ton cul d'après la photo que j'ai mise. Ouais, voilà. Et Toff, faut qu'il remonte un petit peu. Et Toff, tu remontes, toi. D'accord, bah, je vais remonter. Ouais, moi, je suis parfait. Il descend d'où, mon cul? Bah, il faut tu veux descendre. Te faire enculer? Voilà, c'est ça, exactement. T'as envie de te faire enculer? Voilà. Bon, écoute, très bien. Et moi, Damien, ça va? Moi, je suis au top, point. Bah, ouais, évidemment. Toi, ça a l'air. Évidemment, évidemment. Évidemment, Mickaël est parfait. Bah, c'est normal, c'est normal, c'est Mickaël. Bon, allez, bah, préparation. Je mets la musique de Rocky, comme d'habitude. Hein. Et puis, voilà, donc 150 secondes, hein, c'est ce qu'il faut tenir, quoi. Bah oui, c'est deux fois rien. 150 secondes, c'est quoi 150 secondes dans une vie? C'est peanuts, ça représente rien. Allez, et pendant que Polo, il fait des étirements quand même avant de le faire. Ça représente 150 secondes en fait, tout simplement. Ouais. Bon, allez, on y va. Oh, allez. Nouveau cette poubelle là, putain. Oui, il est toujours là. Ouais, c'est Marseille, non. C'est Marseille, c'est ça, c'est on ça. Se met dans l'ambiance. Il fait le malin, mais quand il sera à Marseille, hein, il sera bien content avec le soleil. Allez, on y va. Oui, parce qu'en plus, Polo, il adore le soleil. Ça va grave. C'est vrai. En même temps, le soleil, il l'aime pas donc. Oui, c'est ça. Bon, Damien, Sarah, c'est ça, hein. Oui, c'est moi. Ouais, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Sarah, elle est à Paris, elle pourrait venir le faire avec nous. Ouais, c'est vrai, tu pourrais venir le faire avec nous, Sarah, hein, le dry foot, là. Oui, je pourrais, non, mais je vais le faire, hein, je vais vous tenir, attends. Ouais. Ouais. Ouais, bon, très bien. Je compte sur toi. Allez, on y va. 150 secondes, 2 minutes 30 à tenir. On y va dans 15 secondes, vous êtes prêts? Bah non, je sais bien quand t'es pas prêt. Bon, on y va. Damien, Sarah, je compte sur vous pour nous filer un coup de main, mentalement en tout cas. Donc on est à même le sol, là, dans le studio de la radio. Et on va faire le gainage. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. J'ai déjà mal. Donc là, on est en mode comme si on faisait des pompes. Bah, Toff, explique un peu, tiens, comment on fait. Bah, c'est très simple. On se met sur les coudes, hein, on lève son petit cul. Et puis, le but, c'est de rester comme ça le plus longtemps possible. Enfin, aujourd'hui, c'est 50 secondes. Et sinon, et hier aussi, hein. Oui, et hier aussi. Avant, c'était 120. C'était plus simple. Et au tout début, on tenait que 20 secondes. Et on disait, oh là là, mon Dieu, c'est dur. Alors que maintenant, à 150, c'est dur. Et là, on est presque à une minute, là. Ah, déjà? Non, je déconne, 25 secondes. Putain, cette fausse fois que tu viens de nous faire, putain. Bon Damien, allez, un peu de concentration. De quoi Sarah? Un peu de concentration. Ouais bah je suis concentré là. On est concentré là. Sarah, merde Damien. Ouais. Tu fais le galage aussi toi ou pas en ce moment là? Ouais mais il y a mon chat qui me fait chier là en ce moment. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que lui il est en train de me lécher le bout du nez. C'est normal. Ah oui mais c'est toi qui étais avec nous hier. Bah oui. Bah oui, qui tient combien de minutes là enculé? 7, là 7. 7 minutes 7. Enfoiré va. Et là demain je passe à 7h30. Ah 7h30, mais tu vas aller jusque où? Bah jusqu'à que je pisse plus. Ah d'accord, ok. Et donc là tu peux encore. Très bien, parce que là on est à 1 minute 10. 70 secondes et on est en galère. Oh putain. Ça va Polo? Tu vas tenir ou pas là? Mais si Polo, tu vas tenir. Allez, tu peux le faire Polo, ça, tu peux le faire. Ça va, hein, on tient. Ouais, on tient. Vas-y, Toff, parle un peu là. Bien sûr, mais là je sais pas quoi dire là, j'essaie de me rester concentré pour pas tomber. Parce que putain, c'est dur. Combien de temps? On va arriver à 1 minute 40 là. 1 minute 40? Ouais. Seulement? 100 secondes. Putain. On peut en train de se parler. Oh, tiens, tiens. Ça va? Oh oui. Tu fais ou tu fais pas alors finalement? Oui, je sais. Mon cul, ouais. Ouais, viens le faire avec nous là, viens, viens monter dans le studio. Attention. Pas encore. Combien? Encore 30 secondes. 30, putain. Mais j'ai l'impression que ça avance pas. C'est surtout bon, que 180 secondes, on va jamais y arriver, hein. J'annonce. Allez. Allez. Oh putain. Allez. Oh putain. Combien? Encore 15 secondes. Ah putain, putain. Allez. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Oh. Oh la vache. Oh, oh putain. Putain de merde. Mais comment on va faire 180 secondes? Oh là là là là. 180 secondes, ça va juste être. Oh putain. Nickel. Oui, Sarah. T'en pouvais plus. Ah, je suis mort. Je suis complètement out. Ah, mais si, bah attends, bien sûr. C'est ça là qui part. Oui, je sais, Sarah. Oui. Non, mais bien sûr que je suis mort. Mais attends, on voit bien que tu les fais pas, toi, Sarah. Sinon, tu serais essoufflé comme nous. Ah, je l'ai fait, mais t'es fragile, toi. Mais t'as mis combien? T'as fait combien de temps? Oh putain, bah, moi, j'ai fait 30 secondes et c'était dur. Hein. Mais non, mais c'est pas comme non, nous, non, je crois. Non, j'ai tout tenu. Mais t'as pas tout tenu, sinon tu serais essoufflé. On est quand même pas des merdes à ce point-là. Mais non, ouais. C'est bien qu'on n'est pas des grands sportifs, mais quand même. Attends, tu dis quoi, Sarah? Je voulais faire l'armée, moi, avant. Non, donc, t'inquiète. Hein. Et alors? Bah oui, mais tu voulais faire l'armée. Non, mais c'est très bien, mais quand même. Bah, je sais pas, c'est facile, ça. Bah, je sais pas, c'est facile. Bah, d'ailleurs, Polo, il a eu une énorme simplicité, là. Mais non, mais attends, je suis en train de... J'ai failli vomir. J'ai mon genou, il a failli partir sur le côté. Mes coudes sont complètement abîmés. Je meurs avec ce truc. J'ai pas un seul... Attention, je n'ai pas un seul pouce d'abdominaux. Oh, putain, il est ouf. Bah, vous êtes fragile. Mais là, c'est pas de la fragilité, c'est dur. Mais non. Mais là, mais tu fais la maline, mais attends, non, mais c'est quoi? Tu sais ce qu'on va faire demain? On va refaire et tu vas te mettre une webcam sur toi. On va voir si tu le fais. Ouais, mais elle est à Paris, ouais, elle peut venir. Elle peut venir, elle est à Paris. Ouais, c'est vrai ça, hein. T'as qu'à passer, hein. Une GoPro, ouais, c'est une Go, c'est pareil. Voilà, par exemple. Bon, bah. Ils sont toujours en train de se plaindre, les deux derrière. Bah, toujours, mais ça, c'est parce que c'est sac à merde. Juste c'est un pour truc. Ça, ouais. Est-ce que les mecs. Peut... Hein, un peu long? Hein que... Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Allez, allez, merde. On était dans la bonne position. Est-ce que les mecs peuvent arrêter de m'envoyer leurs abdos? Ça me gêne. Voilà, n'hésitez pas. Et but pour le Ghana. Ouais, but pour le Ghana. Ça fait un partout pour le Ghana. 8 minutes de la fin, là. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. C'est donc chose faite. Bon, Damien et Sarah, merci en tout cas à vous d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, hein. Moyen, allez, vas-y Sarah d'abord, à une seule personne, choisis la bonne, vas-y, vas-y. Bon bah, un bisou à Sébastien que j'aime de tout mon cœur et puis un gros bisou à vous tous. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Bon, mais allez, on a bien compris qu'on passait après Sébastien. Voilà, c'est ça, ouais. Salut Sarah, gros bisous. Bisous. Ciao et vas-y Damien, toi aussi à une personne, vas-y, vas-y. Bah, je fais une dédicace à Toff. Oh, merci, ah bah Damien, quel merci, merde. Moi aussi je te kiffe. Quel choix de merde Damien. Salut ouais, Damien, bon, ciao. Fait, il est toujours en train de se faire martyriser pour. Bah, bah oui mais t'inquiète pas qu'il veut bien, hein. S'il le fait c'est parce qu'il veut bien, t'inquiète pas, hein. Oh là là. Bah oui mais bon. Bah oui, ça fait mais bon. De la peine d'être des gens comme ça. Il a un diplôme pour ça. Exactement. Pas de la peine, il est blindé le mec, il roule en Ferrari, toi tu. Exactement. Il est ouf l'autre. Tu te rends pas compte de ce en que tout c'est cas, par le même designer que les Ferrari. Ouais, c'est vrai. Il y a que le designer, voilà. Hein, c'est tout. Bon, salut Damien en tout cas, merci d'appeler Fun, bientôt. Ouais. Ciao. Et puis promis, on récupère Dominique, Emeline et Maxime après pour les accidents sexuels. Qu'est-ce que vous êtes déjà arrivé quand vous étiez en train de faire l'amour comme petit accident? Appelez-nous pour en parler 01 42 48 5000 ou alors envoyez MIKL par SMS au 64 900 MIKL plus votre message et on lit tout ça bien entendu en direct. Polo contre le reste du monde va débarquer aussi. Et puis on se fait David Guetta maintenant, c'est Blast Off sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Le son de David Guetta à l'instant sur Fun Radio, Blast Off et but des États-Unis à l'instant 2-1 donc pour les États-Unis. Ah, et bienvenue sur Fun également puisque si vous avez une radio avec deux haut-parleurs, vous n'entendez qu'à droite. Là c'est lié malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'en fait on a pris l'abonnement Beansport mais comme on n'avait pas les moyens, du coup on a pris que le côté droit. Ça c'est normal. Voilà, c'est ça en fait. On avait le choix, le son stéréo ou alors que à droite. Donc bon bah on a pris que à droite. Ouais. C'est sympa quand on regarde la télé ici. Ouais, c'est un peu impressionnant. Tu peux mettre une balle. Si vous avez le casque sur les oreilles, vous devenez ouf. Ouais. Et même si c'est en voiture, c'est juste que à droite. Ce qui est trop merdant d'ailleurs en écoutant à droite, c'est que du coup, comme vous êtes à gauche en roulant, vous entendez super loin, du coup vous devez mettre plus fort, et puis quand on parle, nous on part dans les deux côtés en même temps et ça gueule. Non mais le pire c'est que ça, il y a un petit peu de son à gauche, c'est ça qui fait le côté, je vois. Non, zéro. Hein. Ah si, vous avez. Ah non, à gauche, il y a rien. Oh putain, ça m'a donné mal au crâne là. Ouf, ça va mieux là, on est de retour là, cool. Bon, 2-1 pour les États-Unis face au Ghana. Il y a Valo qui dit purée, j'ai fait le gainage avec vous, ça m'a tué, je suis cloué sur mon parquet. Bah ouais, bah nous aussi, hein, je peux te dire. Et alors Antoine qui dit Toff, c'est un dieu, mais le dieu des merdes. Ludo aussi, mort de rire avec votre gainage là. Bah putain, et nous on chie hein, par contre. Et là, Elien aussi sur le Twitter. Ah, Toff, il aime le iced tea comme moi. Oh, quel beau point commun. Bah hein, écoute, avec wow, plaisir. Putain, moi j'aurais honte à ta place. Si hein, moi je changerais de boisson préférée. Et Miss Bieber aussi, moi c'est l'eau, je bois que ça, de la cristalline. Et Elwen qui dit Coca Stevia, c'est excellent. Alors le Stevia, donc c'est la nouvelle boisson, un Coca vert qui va permettre de en fait apparemment ça aurait le même goût que le Coca normal, sauf que c'est avec du, c'est une plante en fait qui donne le sucre naturel. Donc il y a évidemment beaucoup plus de sucre que dans le light, puisqu'il n'y en a pas dans le light, mais il y en a beaucoup beaucoup moins que dans le Coca le régular, le rouge quoi. Mais ce que j'aime bien avec Coca, c'est que chaque fois qu'ils sortent un nouveau Coca, il a toujours le même goût. Il a toujours le même goût, alors que c'est pas vrai. Non, le light, ils n'ont pas dit qu'il avait le même goût. Le Coca Zero, ils ont dit que c'était le même goût effectivement. Ouais, ce qui n'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Mais moi j'aime bien. Oui voilà, mais c'est pas du tout le même goût que le Coca. Bah, le Coca c'est rouge, le même quoi. Goût sans sucre. Mais non, c'est pas vrai. Voilà, c'est le même goût sans sucre. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais non, c'est pas le même goût. Bah mais t'aimes pas le Coca déjà à la base. Peut-être, mais moi je fais la différence entre du Coca normal, du Coca zéro, du Coca. Ouais, alors que tous les ricains avec le Coca ils font pas la différence. Ouais. Mais non. Ah oui. Bah toi, oui. C'est bah, bien sûr. Bah évidemment. Des différences. Bon, il y a Emeline avec nous maintenant de Melun là. Ça va Emeline? Emeline? Oui. Ah voilà là. Bon alors Emeline, sois la bienvenue. C'est quoi ta boisson préférée toi? Moi c'est Red Bull. Red Bull? Oh là là, comment on peut boire ça? Moi j'aime pas. Bonsoir à toute l'équipe hein, quand même. Bah salut Emeline. Salut à toi Emeline. Alors, toi tu nous appelais pas pour les boissons à la base, hein, tu nous appelais par rapport aux accidents pendant une relation. Ah. Alors qu'est-ce que t'as déjà fait comme mal à ton mec, ou qu'est-ce que ton mec t'a déjà fait? Bah pour le coup c'était nous deux. Ouais. Alors en fait j'étais en levrette. Et tout simplement bah, c'est parti d'un mauvais trou, donc par derrière. Alors ça c'est bon ça. Ouais, non, c'est pas bon du tout, non. Mais si, donc, vas-y. Du coup, vas-y, mets ton levrette et mets-toi le... Il s'est pris une tarte, et en plus de ça, il a eu super mal, parce que c'est bien sec, et moi j'ai eu mal aussi, donc... Ah ouais, donc tu lui as mis une tarte quoi. Comment? Tu lui as mis une baffe? Bah ouais, hein, carrément. Bah oui, il a pas fait exprès. Mais il a pas fait exprès, moi je suis désolé. On sait jamais. Ouais, on a beau me dire, ouais, mais si, mais bon, on peut le faire exprès, je suis désolé, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se tromper de trop. Et bah tu sais quoi, pour la baffe, il a bien fait de t'enculer. Ouais, n'importe quoi. Non, mais après, est-ce qu'il t'avait demandé une sodomie avant et t'avais dit non par hasard? Ah oui. Eh ben voilà. Parce qu'en plus je voyais pas vu que j'étais un peu retournée quoi. Voilà. Ah, donc oui. Moralité, ne demandez jamais à votre copine. Vous, là, vous pouvez dire ah désolé, oui, c'est un accident, mais écoute, puisqu'on a commencé, si tu veux, on peut essayer la préparation machin. Mais voilà, après. Mais c'est vrai, je comprends pas cette obsession pour la sodomie quoi. Ouais, mais à moins que le mec ait des tendances. Non, ça n'a rien à voir. Si, un peu, quand même. Plusieurs différents. T'as déjà essayé? Qui ça? Bah toi. Bah oui. Non, mais c'est pour savoir. Oui, bah oui. Et tu vois pas la différence? Non, mais il y a l'obsession. Ah oui, après parce qu'on t'as l'obsession. Qu'il y a que ça, quoi. La meuf, elle est là, elle est à quatre pattes. Mais bah, tu sais pourquoi? Quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent pas. Et oui. Donc, du coup, après... c'est comme n'importe quoi. Demain, on interdit Toff, tout le monde va vous... Demain, on interdit Toff de sortir avec des meufs. Toutes les meufs vont vouloir sortir avec lui. C'est peut-être la solution. Bah, je suis entièrement d'accord. Voilà, Toff est banni d'ailleurs, plus aucune fille ne pourra sortir avec Toff, c'est interdit par la loi. Ouais. D'accord, bah je propose qu'on fasse une loi tout de suite. Voilà, c'est ça. En général, quand on interdit un truc, on a toujours envie de le faire, hein, c'est clair. Bon, et attends, il y a aussi Dominique avec nous d'Arcachon. Salut Dominique. Oui, bonsoir Mickaël, bonsoir Toff. Bonsoir Dominique, combien mesures-tu? Non, on va y aller. Le problème avec Dominique, c'est quel dé commence à parler, on n'a pas fini. Hein. Je pense qu'on va terminer vers 3-4 heures. Ça va Dominique? Ouais, ça va. Bah, ça va. Bon, moi je vais boire un verre, hein. Vas-y, fais ta vie. Hein. Oui. Bon, eh bien, écoute, moi, ce qui nous est arrivé avec mon mari. Voilà, donc là, c'est parti, il est parti. À cette époque-là, il avait un problème de ménisque. Non, vas-y. On t'écoute. Il avait un problème de ménisque fêlé, et même plus que fêlé, parce qu'il y avait un petit morceau qui se baladait. On s'en fout de ça, vas-y, viens. Bon but, droit dans la bite. La bite, le cul, trop du cul, la chatte. Non, mais c'est la version courte. C'est basique, hein. On a parlé de sodomie et chocolat braise maintenant. C'est une formule magique, hein. On est en pleine étreinte fougueuse. Non, étreinte, donc en plein débat sexuel. Je m'apprêtais à prendre mon pied en plus, et d'un seul coup, il s'est redressé. Mais alors, fou de douleur, je me suis dit, mais mince, j'ai dû mal bouger et je lui ai fait mal, quoi. Et ben non, c'était le petit morceau de ménisque qui s'était... Il a piqué une suée. Alors là, ça a été... Il a piqué une suée. Terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, il a piqué une suée? C'est passé, c'est qu'il avait tellement mal, parce que le petit bout de ménisque était coincé. On a compris, dans ça. Le genou. Ouais. Oui, il a piqué une suée, comme on dit. Oui, donc ça veut dire qu'il a eu mal. Oui. Ça veut dire qu'il a eu mal. Voilà. Et ben pourquoi tu dis pas ça? Ben voilà, il a piqué une suée. Ben, il a eu mal. Mais oui, voilà. Bon, voilà. On est vite redescendu. Voilà. Ah, bah, tu m'étonnes. Ça, vous êtes redescendu au sol. Hein? Mais oui. D'accord, ouais. C'est ça, direction le sous-sol. Donc, il a piqué une suée, c'est ça, hein? Oui, voilà. C'est ça. Et le ménisque, il est devenu quoi maintenant? Il est parti. Écoute, il a été opéré. Ouais. Et puis voilà. Bon, c'est cool ça. Bon, très bien. Alors, attends, on va prendre Maxime également qui est avec nous, le Liège là. Salut Maxime. Ouais, salut. Ça va ou quoi? Ça va super bien, et vous? Bon, tant mieux. Oui, impec. Pourquoi tu prends cet accent bizarre là? Cette voix de boss? Non, il prend cette voix de mec du. Ouais, salut. Ouais, de couleur. Salut, ça va. Ça cache quelque chose ça. Je m'appelle Maxime. Non, c'est la vraie. Non, c'est la vraie. Parle normalement, Maxime. Bah, il parle normalement. Ouais, mais je parle normalement, ouais. Voilà. Bon, Maxime, bienvenue à toi. Il est jalouse parce que Polo, il a une voix de canard. Alors, c'est du coup, forcément. Vrai, je m'en doute. Du coup, il râle. C'est vrai. Bon, alors, Maxime, voilà. Qu'est-ce qui t'amène, toi? T'as déjà eu quoi comme accident? Mais c'est trompé de trou aussi. Ça m'est arrivé deux non, fois. Non, mais c'est pas possible. Différentes. Ah. Si. Ça m'est arrivé deux fois avec deux gonzesses différentes. Et en dans plus. La même position à chaque fois. Donc, la gonzesse, elle est allongée avec juste un oreiller en dessous des reins. Et puis, tu vas un peu trop fort et tu te trompes. Mais non, parce que je suis désolé, je n'arrive toujours pas à concevoir qu'on puisse se tromper. Je suis désolé, mais j'ai pas fait exprès de me tromper. Non mais je me doute. Je dis simplement que un peu comme un bourrin et puis ça passe dans le mauvais quoi. Et puis ça passe pas crème là pour le coup. Mais Pascal, ah non là pour le coup pas crème du tout. Ah ouais, pas du tout. La première à faire tourner, elle m'a mis une grosse baffe dans la gueule. Et à la base, elle n'était pas d'accord, donc ça, c'est mort. Je crois que la meuf à vie, ça lui arrivera plus jamais. Et la deuxième, elle était d'accord, mais je peux te dire que quand c'est arrivé par erreur, je l'ai plus fait pendant genre un mois et demi. Mais plus fait quoi? Même couché avec elle de manière basique entre non, guillemets. Non, si de manière normale, ouais, mais plus par derrière quoi. Ah oui, donc t'as quand même pu repasser par là. Ouais, mais un mois et demi après. Quand même. Eh ben. Oh bah ça va, un mois et demi après, il y en a, ils sont bannis à vie. Hein. Ouais. Voilà, c'est devenu un sens interdit. Hein. Ah bah oui, après tu peux changer de meuf, effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une idée. Bon, merci Maxime, merci Emeline également, oui, et puis Dominique est déjà parti du coup. Salut Dominique. Salut à vous deux, merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que tu fais une dédicace? Bah vas-y Emeline, à une seule personne, choisis la bonne. Ah, je choisis la bonne. Ah, Romano oui. Tchèque. Je fais une dédicace à Romano Tchèque. Très bien, et ben voilà, le message est passé, parfait. Bah, je vous remercie, bonne soirée. Avec plaisir, salut. Salut. Ciao Emeline, bye bye. Bon, il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Le match est terminé, 2-1 pour les États-Unis face au Ghana. Et il y a Thomas qui dit salut, moi j'aime le Perrier Menthe, Grenadine Coca. Il y a quoi aussi? Moi je dis que c'est meilleur avec la Stevia. Mais j'ai pas encore goûté avec la Stevia, on sait où on peut acheter ça? Aucune c'est idée. Déjà dispo, ça marche quand aux États-Unis? Bah, je sais pas, parce qu'il y a plein de Turquie. Non, je crois qu'il y en a ici, au Maroc. Il me semble que j'en ai vu, mais je veux pas dire une connerie. Hein. Bon bah dites-nous tiens si vous savez où ça se vend là le Coca Stevia que j'aille en acheter dès demain. Enfin que toi faille en acheter, je lui dirais qu'on est déjà arrivé à la radio comme on fait d'habitude avec Polo. Oui bah je vous connais bien. Voilà c'est quoi, ça. C'est quoi? Non je disais que toi faille en acheter pour nous vu qu'on dira ouais mais on est déjà à la radio, tu passes pas au Bonhomme. Hein ah ouais. Bah c'est directement en passant. Bah voilà, quoi. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Comme ça, ça nous évite en plus d'envoyer un message. Bah évidemment. On est encore mieux comme ça. Encore un peu plus d'économie. Bah non, c'est gratuit. Mais bon, c'est le principe. C'est une économie de temps, quoi. Il y a Kalash qui dit ma boisson préférée, c'est le Coca. Lucas aussi, encore une soirée de ouf avec toi, Mickaël. Bah merci d'avoir été là, surtout Lucas. Il y a Gink également. Salut l'équipe. Merci d'être là pour m'accompagner une partie de la nuit au boulot. 21h, 5h, c'est long. Ah ouais, effectivement. Ouais. Tu nous as pas dit ce que tu faisais d'ailleurs, dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Laëlien aussi. L'Ice-Tea, ma boisson préférée. Il y a Canvan qui pas le Coca, Golel qui dit un petit bonsoir à toute l'équipe, un coup de pelle pour Toff en direct de mon camion. Bah écoute, avec grand plaisir. T'aurais pu carrément même lui rouler dessus avec le camion, ça aurait été pas mal, tiens. Allez, restez sur Fun Radio, je vous ai promis le son de Ariana Grande qu'on va écouter maintenant sur Fun avec Problem et puis juste après, promis, Polo Against the Rest of the World. Si vous voulez participer à cette grande émission, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bonne nuit. Ariana Grande à l'instant sur Fun Radio, c'était Problem. 2h02 sur Fun Radio, il y a les résultats du Top Tweetos dans quelques minutes. Le générique de fin, bien entendu, mais avant cela... Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec Poutine. Poutine, on t'écoute, bienvenue. Poutine ! Merci mon cher Polo. Allez, casse-toi, le fou ! Mais Polo, On va vite. Quoi, mon avis ? Je t'ai dit, on va vite, idiot, va. Maman ! Ça va, mon fils ? Non, je pense pas, car tu as 17 ans. C'est de la soupe et des croutons à la maison. Je comprends pas ce que tu dis. En fait, alors, attends, on va se calmer. Est-ce que tu t'imagines être drôle ? Je t'aime, mon fils. Non, mais réponds-moi. Est-ce que tu crois que tu es drôle en faisant ça ? Ben oui. Ouais, bah, t'es un imbécile parce que c'est pas drôle. Personne rigole ici, tu sais ? J'ai rigolé. Là, je viens de recevoir 250 000 tweets qui disent il est ridicule. Allez, ouais, moi, j'ai rigolé. On t'a demandé quelque chose. Vas-y, t'as fait enculé. L'allemand. Ah mais que... putain, laisse enculer, allez, merde. L'allemand. Ah, oui, allô. Oui, je t'écoute. Oui, je vous appelle. Michael, l'allemand, tu vas dire de la merde. Vas-y. Pas du tout, je vous appelle après cette mascarade de football que nous avons eue. Ah. Oh là là, j'ai beaucoup ri. Mais quand est-ce qu'ils arrivent, les vrais Portugais? Mais je sais pas. Du monde. Je sais pas. Poutine. Allô Poutine. Vive la sodomie, bâtard. Vive la sodomie, bâtard, d'enculé ta race. C'est drôle ça, Poutine. Mais va te faire enculer, oh bâtard. Oh là là là, l'autre il s'est pris pour la machine à jingle là. Le fou. Oui, tu sais, ça fait longtemps que je t'écoute. C'est gentil, le fou. Ouais, mais il y a moyen que tu m'en fasses un petit pack fun. Ouais, d'accord, ouais. Je vais mettre. Qu'est-ce que tu veux dedans? Bah, un pack fun. Non, mais tu veux quoi dans le pack fun? Parce que c'est à la demande, tu sais. Bah, je sais pas ce que tu veux. Un giant, tu mets. Des sandales? Un giant, des sandales, du foutre. Ouais, des sandales, ouais. Des sandales, ça te va? Ouais. Ok, on va faire ça. Maman! Ouais, on était au bar tout à l'heure, il y avait 4 Portugais. Ouais. Ils voulaient 4 Coca Light. Ça te faisait rire, Mike. 4 Coca Light. Et tu sais ce qu'il leur a dit, le serveur? Non. Est-ce que c'est moi? On n'a pas de Coca Light. On a du 4 Coca. Je vous mets... C'est drôle, casse-toi. L'allemand! Ah oui! Non, je me disais que peut-être, plutôt que de les laisser... être aussi ridicule sur le terrain, ouais. On pourrait leur donner une truelle et du sable et ils finissent les stades. Et c'est les bouffer une saucisse avec de la choucroute, pauvre con. Poutine, le retour. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Non. Le fou. Oui, je peux vraiment pas te faire. Ouais, tu vas l'avoir tout de suite. Maman. Ah, Cristiano Ronaldo, il a pas été bon. Oh, super. L'allemand. Oui, il a raison, Cristiano Ronaldo, il a été très mauvais. Je n'ai jamais vu ça. Oh là là. Mais est-ce qu'il a déjà joué réellement dans un grand club? Je sais pas l'allemand. Quel piètre allemand. Alors, on va terminer petit tour de chauffe et conclusion. Poutine. Vive les Portugais et on encule les Allemands. Mais on s'en fout, Poutine. Tu peux pas dire autre chose? Il n'y a pas des choses plus intelligentes, plus drôles à dire que ça? Ah, tu veux un truc plus intelligent? Non, allez, dégage. Tu reviendras demain si j'ai envie. Le fou. Victor, pas de fun. Ok, ouais, ça arrive. Maman. Oui, triplé de Müller. Et... Allez, casse-toi, tu m'as saoulé. L'allemand en conclusion, s'il te plaît. Non, rien, je voulais souhaiter bonne chance au Portugal. Hein, peut-être qu'on les verra dans 4 ans. D'accord. Merci, l'allemand. Je vous en prie, bonsoir. Ah, au revoir. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et merci à tous ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Écoutiez plutôt. Allez, 2h05 sur Fun Radio. Et on va se faire, avant de partir, le top tweetos. On va donc savoir lequel d'entre vous a tweeté le plus ce soir avec le hashtag Mickaël sur Fun. En tout cas, les 5 premiers. Donc, on va démarrer maintenant par le numéro 5. Et on aura générique juste après. Numéro 5, donc. Alors, le numéro 5, c'est... C'est Mr. Steven. Mr. Steven, très bien. Qui a perdu depuis Oui, il a perdu une place. Hein. Qui a perdu des plumes. Numéro 4. C'est Rémi. Qui numéro 3. Vladimir Poutine. Numéro 2. Nadia. Et numéro 1. Justine. Ah, donc notre ami d'auditeur de tout à l'heure, la Xilix ou Xirix, ou je sais pas quoi, là, lui. Enix, pardon, ouais. Évidemment, malheureusement, il est 6ème. Oh là là là là, ça y est, sorti, sorti, sorti. Bon, bah, du coup, lequel gagne alors ce soir? C'est Justine. Eh bah, Justine. Justine de Nantes. Eh bah, gros bisous, Justine de Nantes. Là, tu repars avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, on va te contacter, prendre tes coordonnées, ça va être la folie totale. Bon, allez, c'est parti, on y va pour le générique. On y va. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, teuf, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Sans faute jusque là. Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Mais... Allez, fais-moi moi ton cul. T'as envie de te faire enculer? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais va te permettre un petit document. Quel cauchemar! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Non, non, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard. Je vais te chier dedans, je vais le refermer. Tu vas me pousser la bite, je vais te faire un petit document. Va l'enculer, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, une bonne qui se termine. Merci d'avoir été là tous les soirs, de plus en plus nombreux. Merci de prévenir tous vos potes d'ailleurs, hein, qui débarquent aussi, de plus en plus nombreux tous les soirs sur Fun Radio, entre 23h et 2h du mat et entre 20h et minuit sur Fun Radio. Voilà, tout simplement, du lundi au jeudi. Ben merci donc à tous ceux qui étaient sur le Twitter, merci à tous ceux qui ont envoyé plein de messages aussi par SMS notamment. Et puis on se retrouve demain à partir de 23h en pleine forme. Ouais. Polo qui va faire quoi? Je vais tu vas revoir l'air diff du match de foot de la journée. Je vais aller masser la bite parce que j'ai mal et je vais aller dormir. D'accord, ok. Toff également. Ah bah tu vas lui masser la bite? Je vais lui masser la bite et je vais m'endormir sur son épaule. Je vais attendre, je vais aller te faire enculer. Waouh, cool. Ça c'est votre fantasme. Ah bah non, après. Non, je dis je vais me masser. Ah bon, très bien. Ouais. Alessandro qui va aller faire quoi? Bah qui va masser la bite à Polo. Je vais aller dormir. Ah bah décidément tout le monde veut dormir, c'est dingue ça. Ah ouais, il est 2h. Bah ouais, je suis bien, mais bon. Bon allez, bonne nuit tout le monde, en tout cas, bonne chance demain pour tous ceux qui ont les examens, machin. Il y a bac demain, je sais plus, il y a quoi? Non, t'entends mal, Toff, t'allumes pas ton micro, donc mais pas t'entendre. Ça marche pas. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, il y a bac demain. C'est quoi? J'en sais rien, il y a pas de... Bravo, voilà, on sait pas. C'est histoire géo, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, du coup, bonne chance pour ceux qui ont des épreuves demain. Bonne chance, on se retrouve demain à partir de 23h. Salut, salut! 23h, 2h. Mickaël, nos limites, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, on va quand même aller pour une fois qu'on a quelqu'un. Maintenant qu'on a perdu Philippe Bouvard Junior. Jean-Baptiste. Tant mieux, hein, Jean-Baptiste Jam. Il va revenir, Non, non, non, non, ah surtout non, pas. Plus cette merde. C'est maintenant qu'on a goûté à la perfection de la nuit. On veut plus de Jean-Baptiste. Reste chez toi, Jean-Baptiste. Voilà, c'est bien. Continue le matin, là, c'est parfait. Là. Hors d'ici. Voilà. Du coup, c'est Bruno qui doit le subir avec ses vannes de merde. Est-ce qu'il ose faire des vannes de merde le matin? C'est la question. En fait, le truc, c'est que le seul qui a perdu, c'est Bruno, parce que avant, il l'avait au début de son émission, maintenant, il l'a à la fin. Ouais, effectivement, ouais. C'est une perte totale, hein, ça. C'est malheureux, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux. Bon, c'est Guillaume qui va débarquer en pleine bah forme. Ouais. C'est moi. Bah il y a oui. Quelqu'un qui me masse la bite avant de partir ou pas? Ah bah je sais pas, bah écoute, demande à... Vous avez proposé mais moi vous m'avez pas proposé. Ah non, attends, t'as pas compris. C'est Polo qui... Je vais me masser ma propre bite. Mais si vous voulez vous auto-masser, après vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Un stagiaire. Faut que je tienne le coup quand même jusqu'à 6h. Bon ça va aller, t'inquiète pas là. Tranquille, tranquille. Parfait, on va partir avec... Bah j'ai proposé Stadium X. Stadium X avec Howl at the Moon, ou alors il y avait Saya aussi. ou David Guetta ou Florida. All at the Moon, c'est bien. Bon bah All at the Moon alors, bah All at the Moonison alors, Stadium X maintenant et Rancard demain. Donc à 6h vous aurez Bruno qui va débarquer comme d'habitude. Bon après de 9h à midi, c'est là que vous pouvez faire une petite sieste. Ouais, hein, parce qu'il y a JB donc ça sert à rien. Et puis bah Dario, puis Levin Fun, et puis on sera de retour à 23h. Et Fred. Salut tout le monde, bien sûr, et salut tout le monde. Et bon, on se capte demain à 23h. Salut, c'est parti, Stadium X maintenant. C'est parti, vous allez êtes sur Fun Radio. Je m'appelle Guillaume, je suis avec vous jusqu'à 6h. Il n'y a pas de pub, on va s'éclater. Et ah bah bravo, non, mais trop longue. Tu portes bien ton prénom, toi. Bon, on va se le refaire et tu bouffes pas l'intro là. Bah pour ma première, tu mets une intro de 6 secondes, bravo. Bah oui, mais bon. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue voilà. À tous. C'est parfait comme ça.